À la régie, eh bien, nous nous retrouvons. C'est vrai que veuillez me pardonner. Je n'ai pas averti beaucoup de monde, mais c'est quand je suis allé examiner mon inbox, l'inbox de à la fois au niveau de Messenger et également mon inbox de ma page Facebook. Parce que je vous signale que j'ai sorti une petite vidéo, juste 4 minutes. Sur un texte de la Bible, Genèse chapitre 38, du verset 4 jusqu'au verset 8,9 à 10. Et rassurez-vous que ça a créé beaucoup de remue-ménage, beaucoup de réactions au niveau de la communauté chrétienne, naturellement, où j'ai eu beaucoup plus un peu des attaques. Alors il a fallu, ils ont dit que mes déclarations étaient un peu trop exagérées, quand j'ai parlé de la masturbation. Maintenant, alors, ils m'ont permis donc de pouvoir faire ce live aujourd'hui, où éventuellement, je vais vous amener dans les dangers au pluriel, naturellement, de la masturbation sous toutes ses formes. Alors, il y a, aujourd'hui, vous allez découvrir, ce sont mes propres recherches et également mes propres expériences. À travers donc le petit voyage dans la recherche pendant près de 48 ans, j'ai découvert qu'il y a plusieurs formes de masturbation. Il y a des masturbations physico-biologiques, c'est-à-dire physiques, et qui résultent de l'ébullition de l'énergie que nous avons en nous. Et il y a également de la masturbation mystico-spirituelle. Donc nous allons voir tout cela. Mais je constate que vous n'êtes pas nombreux. Alors s'il vous plaît, est-ce qu'on ne peut pas accorder encore une chance, au moins 3 ou 5 minutes, pour permettre à tout le monde de ne pas être surpris, que, mais comment Monsieur Moubi, le maître est passé là, il ne nous a pas averti, qu'est-ce qui s'est passé vraiment cette affaire? Parce que ça, je vous signale que c'est un sujet très important. Je vous en prie, c'est très important. Donc, il est indispensable que vous puissiez inviter amis et connaissances. Et certainement parmi vous, il y a des personnes qui souffrent de cette maladie qu'on appelle l'addiction de la masturbation. Addiction sexuelle sous la forme de la masturbation. Parce que la masturbation est une forme de sexualité qui est exprimée sous différents angles. Avant que je ne puisse rentrer dans le but du sujet, hein, je ne fais que vous balancer ça comme ça. Hein. Je n'ai pas encore commencé l'intro. Donc, moi, je vous prie donc d'inviter le maximum de personnes parce que là, je vois il y a à peine seulement 12 personnes ou bien 20, je ne sais plus trop. Donc, je vous en prie, invitez le maxi pour pouvoir faire profiter à tout le monde hein, de ce sujet aussi important. Bien, pendant que vous allez donc patienter tranquillement, de pouvoir permettre à tout le monde d'en profiter, eh bien, nous allons continuer en musique. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Merci. Bien. Comme je le disais tantôt, c'était un sujet que j'ai balancé. Et puis, vous savez, la Bible n'est pas une propriété chrétienne. Et ça, tous ceux qui sont chrétiens devaient bien le retenir. Que d'ailleurs, cette Bible qui sont allés compiler, tronquer, trafiquer en 325 de notre ère sous les empereurs romains, notamment Constantin le Grand et Albert Ier et tous les autres bandes de voyous. Quand je dis bande de voyous, parce que notre spiritualité négro-africaine avait pris un coup. Bon, là n'en est pas ici le débat. Mais il est important quand même que j'ai souligné juste un passage qui a attiré l'attention de plus d'une personne. Que d'abord, ça a commencé sur mon compte TikTok et ensuite, c'est passé sur ma page Facebook. Bon, sur YouTube, par contre, il y a eu plutôt une bonne remarque. La question qui a été posée, c'est que la personne reconnaît pratiquer la masturbation. Et là, il y a eu quelques soucis. Donc, je viens ici, si vous voulez. Premièrement, tout le monde sait ce que c'est la masturbation. C'est scientifiquement prouvé que la masturbation fait partie du quotidien de la vie de tout individu qui vient sur cette terre. Car même les animaux se masturbent. Ça, tout le monde devait le savoir. Les animaux du règne animal, que ce soit même dans le règne aquatique, même les poissons se masturbent. Cela ne devait point vous surprendre. Nous avons observé cela. Parce que toute chose, c'est l'observation. C'est l'étude et ensuite la conclusion. Dans nos aquariums, nous avons observé certaines espèces de poissons en train de se masturber. Nous avons constaté cela, par exemple, auprès d'une race de poissons qu'on appelle la tilapia. D'accord, communément appelée la carpe. Et qui, comme le monde, tout le monde le sait, ils ont une autre méthode d'avoir les enfants. Bref, les humains, dans leur vie quotidienne, à partir d'un certain âge, la masturbation fait partie du vécu de l'être humain que nous sommes. Voyez-vous, nous avons constaté que même les bébés se masturbent. Mais la masturbation devient chronique à un certain âge, lorsqu'il y a certains besoins physiologiques qui ne sont pas accomplis. Et souvent, nous traversons cette période de l'âge de la puberté. Et c'est un âge où, n'est-ce pas, il y a beaucoup des ébullitions. Il y a beaucoup d'ébullitions énergétiques dans l'organisme des jeunes adolescents. Donc, durant cette période, disais-je, homme comme garçon, enfin, je voulais dire homme comme fille ou jeune garçon comme jeune fille, et traverse cette période de masturbation. Je ne veux pas rentrer ici, vous démontrer comment ça se passe. Vous savez ce que c'est. Mais en définition, la masturbation est tout simplement une méthode de pouvoir se donner du plaisir soi-même. On peut se donner ce plaisir soi-même, soit sous couvert de tout ce que Teta Mwanga, tout ce qui est à notre portée. Et la pratique la plus connue, ce n'est secret de personne, nous sommes tous des adultes ici, c'est souvent nous utilisons nos mains. D'accord ? On utilise soit les mains, et certains utilisent d'autres objets qui sont à leur portée. Nous avons vu certains qui utilisent, je dis bien, tout ce qui est à leur portée. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Maintenant, depuis le XXe siècle, la science a tellement évolué qu'elle a trouvé des voies et moyens pour permettre l'homme de pouvoir se satisfaire soi-même, parlant toujours dans le sens de la masturbation. Donc, ils ont trouvé des objets, ils ont fabriqué les objets, et ces objets, on les appelle des poupées gonflables. Chez les femmes, elles ont des godibichets. Ce sont il y a même des magasins, vous pouvez vous y rendre, acheter ces objets-là. L'objectif, c'est quoi? C'est de se faire du plaisir d'abord pour soi-même. Bien sûr qu'avec le temps, c'est devenu aussi une pratique hétérosexuelle, c'est-à-dire que le partenaire ou la partenaire va aller dans le sex shop, aller acheter ces histoires-là et partager l'expérience avec sa partenaire ou avec son époux ou son épouse. Et c'est ainsi que nous avons vu cela dans plusieurs couples. Cela n'en est rien de mauvais. Maintenant, quand il s'agit donc d'utiliser ces objets pour son propre plaisir, c'est une forme de masturbation. Pourquoi? Se masturber, retenez bien depuis le début, c'est se donner du plaisir soi-même. C'est se donner du plaisir soi-même, soit en utilisant ce qui est en notre portée, donc nos propres membres du corps peuvent servir de masturbation. Vous pouvez vous masturber en touchant votre nez ou vos fesses, je ne sais pas trop quoi, vos testicules. Bref, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais nous sommes tous adultes, rassurez-vous, vous comprenez de quoi je parle. Mais la pratique la plus courante, c'est celle où l'homme, indépendamment d'une femme, se met à le faire. Soit il le fait tout seul, et soit il le fait à côté de la femme, soit il est marié, mais parfois dépassé par des événements au sein de leur foyer. Ces événements-là vont perturber leur harmonie et leur paix intérieure. Ce qui fait que cela va amener à un comportement que je qualifierais sans pourtant porter un jugement. C'est la science qui nous le dit. Hein. La science appelle cela l'homme ou la femme se tourne vers l'égocentrisme. Cet égocentrisme fera en sorte égocentrisme, qui veut dire vous allez centrer toute votre énergie et tout votre esprit sur vous-même. Donc, vous vous centrez sur votre vieille ou sur votre propre personne. Et c'est ainsi que la masturbation fait partie, justement, de ce genre de méthode où vous vous coupez des autres. Vous voulez seulement vous satisfaire vous-même, vous voulez seulement vous soucier de votre propre plaisir, et vous ne vous souciez point du plaisir des autres. Ça, c'est très important. Ça, c'est le premier aspect. Donc, dans la vie humaine de tous les jours, hommes comme femmes, les gens se masturbent pour se procurer du plaisir. Je le répète que cette procuration du plaisir, c'est une forme de plaisir de se faire plaisir. On se fait le plaisir soi-même. C'est ça la masturbation, se masturber. Bon, il y a également en sexualité, on nous l'apprend dans la thérapie sexuelle. Je l'ai toujours enseigné dans mes différents cercles. C'est peut-être pas le lieu approprié, mais que YouTube me pardonne, nous sommes tous des adultes. Il y a une autre méthode de masturbation que nous préconisons pour la guérison, ou du moins pour résoudre le problème ou tacler le problème de l'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce pour les hommes, c'est tout homme qui, au cours des ébats avec sa partenaire, malheureusement, expérimente ou vit des expériences de pouvoir atteindre la libido et se décharger avant 5 minutes, ou du moins avant 10 minutes, hein, puisque la norme scientifique, je crois, c'est au minimum 10 minutes quand même. Mais malheureusement, certains ne font même pas 5 minutes et ils déposent tout à la porte. Cela donc, je préconise, ça c'est mes propres recherches, que j'ai puisé dans les grandes encyclopédies de la sexualité indienne qu'on appelle Kama Sutra Yoga. Dans le Kama Sutra Yoga, que beaucoup de gens cherchent désespérément, malheureusement, ces ouvrages de 1500 positions n'existent plus. Ce n'est plus diffusé au public. Mais par contre, il y a certains magasins qui les vendent, précisément en Asie, en Inde, c'est très populaire, et ça coûte très cher, je vous informe. C'est entre 700 et 800 000. À l'époque, quand j'en jetais le mien dans les années 80-81, ça coûtait une affaire de 410 000 francs CFA. Je parle de tout le gros volume avec les photos, les illustrations, les explications en anglais et en français et en sanskrit, 1500 positions. Bref, là-dedans donc, il y a une explication justement sur la masturbation qui est une masturbation de guérison, une masturbation de trouver la solution à un problème sexuel précis. Tout homme donc qui souffre de ce qu'on appelle l'éjaculation précoce, eh bien, certes, les gens encouragent la médicamentation, mais moi, personnellement, je n'encourage pas les gens de prendre des médicaments. Parce que les médicaments vont créer ce qu'on appelle l'esprit de dépendance. Et vous savez très bien que l'esprit de dépendance, à la longue, va faire asseoir ces produits chimiques dans votre organisme et qui feront en sorte que, à l'état normal, le pouvoir de votre volonté n'aura plus effet sur l'organe concerné. Comme vous le savez très bien, le pouvoir de la pensée, quand je l'explique dans mes explications, il y a une vidéo bien explicite ici où je vous parle du prêt. Le prêt, c'est la pensée, la respiration, l'énergie ou l'esprit par le toucher. C'est un module qui vous permet de contrôler et de pratiquer certaines pratiques, pour ne pas être tautologique, d'exercer tranquillement certaines pratiques magiques, telles que la magie cérémoniale ou la magie de l'initiation douce et autres, pour vous mettre à l'aise en vue de mieux comprendre et appréhender les méandres de toutes ces sciences complexes, en ce qui concerne les sciences occultes. Donc, la masturbation ici que nous recommandons, que moi je soutiens et que la plupart des sexologues soutiennent, vous pouvez vous rendre n'importe où. Ici aux États-Unis, c'est très populaire. Mais moi, j'étais au courant de ça depuis les années 81, quand j'étais en possession du Kama Sutra Yoga. C'est ainsi que l'homme, il lui est recommandé. Et j'en parle, il y a des vidéos sur ma page Facebook. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y là-bas. L'élu de Teta Nzambe, c'est le nom. Ou bien vous partez me chercher sur Vendeux-le au Mouvier Mouere, qui est mon compte Facebook. Vous trouverez ces vidéos sont là-bas. Alors, j'explique, pour me résumer, par entrer en détail, je vous donne une référence, donc vous aurez le temps. Bien sûr, cette vidéo va être posée. Que la femme, ou bien vous-même, pendant que vous êtes à côté de madame, ou à l'état, bien sûr, d'Adam et Ève, vous allez donc, c'est d'ailleurs recommandé que ce soit la femme qui le fasse. Elle va donc vous masser, vous masturber. Et quand elle fait cette masturbation, ne vous concentrez pas pour pouvoir décharger, mais vous vous concentrez ici juste pour pouvoir vous permettre de renforcer et d'empêcher que vous sortiez. Parce que c'est ça l'objectif. Quand on souffre l'éjaculation précoce, c'est vraiment malheureux, hein? Il y a des couples qui en souffrent. Et cette éjaculation précoce, malheureusement, menace souvent des jeunes, tout comme les vieux. Tout le monde en souffre. Et il y a des raisons derrière tout cela. Je vous signale que je ne suis pas urologue, ni encore gynécologue, mais je suis un érudit, quelqu'un qui cherche, qui lit, qui est curieux, et j'ai lu, et je viens partager avec vous mes connaissances, donc je vous lance le défi de toujours aller vérifier si les informations que je vous apporte sont bonnes ou pas. Sauf que, ce que je constate chez nous en Afrique, on est trop paresseux, on ne veut pas se cultiver, on ne veut pas lire, et c'est ça le problème. Alors, la femme donc va masser le phallus de l'homme, elle le masse. Elle fait des massages qui deviennent de la masturbation, exactement comme l'homme le fait, indépendamment de quoi que ce soit. Et au moment où l'homme ou la femme va ressentir que l'appareil devient fort, c'est en ce moment où on sent que le phallus veut décharger. Et c'est à cet instant qu'elle va utiliser ce qu'on appelle la bague du fond. Donc, cette bague du fond veut dire qu'elle va mettre deux doigts à une partie de l'appareil de l'homme pour empêcher l'homme de dégager. Mais voilà pourquoi certains hommes préfèrent le faire eux-mêmes, car ils sont capables de contrôler eux-mêmes. Donc, à chaque fois que vous le faites, c'est recommandé de le faire 2 à 3 fois dans la journée, et le soir avant de dormir, il faut le faire également 2 à 3 fois, avec une session d'une pause de 10 minutes à chaque fois. Donc, tant que vous voulez décharger, vous bloquez, vous bloquez. Normalement, au bout de 3 mois, c'est fini. L'éjaculation est partie. Et je parle avec preuve, parce que j'ai observé des patients, j'ai observé des gens à qui j'ai recommandé la méthode, qui est devenue d'ailleurs une méthode classique, aujourd'hui appelée, introduite également dans la méthode Kegel. Mais pour ceux qui ne savent pas, la méthode Kegel, dont j'ai posé une vidéo sur ma page Facebook, en fait, ce sont nos frères blancs qui ont volé toutes ces techniques-là, du yoga, du Kama Sutra Yoga, du Tantra Yoga et du Hatha Yoga. Alors, la masturbation, donc, à titre préventif et de guérison, on retrouve cela dans le Tantra Yoga, qui est le yoga de la maîtrise de votre énergie sexuelle. Et également, on le trouve dans le Kama Sutra Yoga, qui est une grande bibliothèque, pour ne pas dire une grande encyclopédie de 1500 positions et autres, lesquelles positions sont variées dans les différents buts de la vie, et ainsi de suite. Ça, voilà la seule exception où la masturbation est autorisée. Mais c'est une masturbation avec rétention, c'est-à-dire vous ne laissez pas sortir. Mais de manière générale, la masturbation en tant que telle, elle ruine votre santé. Car habitué à faire ce genre de pratique, je vous amène maintenant dans les diverses formes de masturbation. Je vous ai dit, il y a des formes de masturbation d'abord individuelles, où vous faites le plaisir, ça ruine votre vie commune. Parce qu'au fur et à mesure que votre sphincter est en activité, que vous vous concentrez uniquement à vous, et je vous ai utilisé l'expression de l'égocentrisme. Égocentrisme, c'est-à-dire vous concentrez tout votre esprit à l'intérieur de vous-même. Par conséquent, si vous n'êtes pas marié, vous ne penserez qu'à vous-même. Et au moment où vous allez vous marier, eh bien, rassurez-vous, vous ne penserez pas à satisfaire la femme. Or, dans une relation normale, et dans cette relation normale qui parle de l'amour pornographique, c'est-à-dire l'amour sexuel, eh bien, ça consiste à penser à notre partenaire. Je parle de l'homme. La femme n'a rien à foutre à penser à l'homme, mais c'est vous, l'homme, qui devez penser d'abord à la femme. En d'autres termes, c'est le rôle de l'homme de s'assurer que la femme a atteint son summum du plaisir et que vous connaissez les étapes finales, qu'elle a pu jouir, qu'elle est contente, qu'elle est satisfaite. C'est ça le rôle de l'homme. Maintenant, quand vous vous masturbez, malheureusement, ce rôle-là, vous le perdez. Je m'explique, vous le perdez comment? Mais puisque vous êtes habitué psychologiquement, mentalement, à toujours penser à vous-même, est-ce que vous pensez qu'au cours du rapport sexuel, vous aurez le temps de penser à la femme? L'habitude étant une seconde nature. Et puis, quelque part, il est dit que à tout état d'esprit égal à tout état d'âme. Et cela est clair. Ça veut dire que l'habitude vous a amené au point où vous serez toujours dans cet égocentrisme. Vous serez toujours centré en vous. Ce qui fait que à l'acte normal, je vous dis, vous ne pouvez pas. Même si vous avez pris des Viagra ou quoi que ce soit, soit vous allez souffrir de l'éjaculation précoce parce que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur la femme pendant que vous avez le rapport avec elle. Vous aurez toute tendance à vous concentrer sur vous. Parce que la masturbation, c'est en fait quoi? Deuxième étape de la masturbation, du fait que de se faire plaisir soi-même, mais c'est d'aller vite. C'est de satisfaire vite cette libido, cette envie qui vous inonde. Et rassurez-vous, souvent, ceux qui pratiquent ce genre de choses, c'est souvent entre 2-3 minutes et puis c'est terminé. Mais quand vous prenez cette durée de 2-3 minutes, c'est terminé. Maintenant, vous allez vous retrouver face à une femme normale. Il y a un problème. Parce qu'une femme normale, je vous signale, je vous informe, c'est pour moi qui l'invente. L'Institut Johnson & Johnson et d'autres instituts scientifiques qui ont observé le comportement des couples dans les foyers, je voulais dire sur la sexualité, il y a beaucoup d'experts, je n'en suis pas un expert. Il témoigne qu'effectivement, la moyenne pour une femme d'atteindre son véritable orgasme pour vraiment celui ou celle qui connaît, c'est généralement entre 10 et 15 minutes. Ça veut dire que cette femme-là, vraiment, elle est émotionnellement pour vous, elle est follement amoureuse, et ainsi de suite. Pour une femme normale, hein, c'est autour de ça, entre 10 et 15 minutes. Maintenant, si son esprit est inondé de stress, il y a des anxiétés et tout, elle souffre d'autres phénomènes. Des problèmes, et je vous rassure également, ça on viendra tout à l'heure sur le cas de la femme. La femme aussi, si elle se masturbe régulièrement, elle peut avoir ce problème-là d'éviter de satisfaire l'homme. Donc c'est vice-versa. Bref, voilà une autre forme. Et il y a une deuxième forme. La deuxième forme, c'est celle de godibicher, et je vais mettre l'accent dessus. Ici aux États-Unis, nous avons des marchés, nous avons des stores qu'on appelle des sex toy stores. Et là-bas, vous pouvez acheter des poupées. Ce sont des poupées, premièrement, des poupées de moindre valeur. Ce sont les poupées gonflables. Généralement, le prix varie. Bon, je connais des maisons qui vendent ça. Hein, puisqu'à un moment donné, je travaillais pour une maison, je les représentais au niveau du Canada. Enfin, la maison fabrique, c'est les Japonais qui fabriquent ça au Canada. Voilà. Je suis tombé sur leur site. Ça s'appelle des Dolly Hat. Dolly Hat. Et là, les prix d'une poupée simple, à titre de satisfaire le plaisir de l'homme, c'est 500 dollars, l'équivalent de 260 000 francs CFA. Alors, la poupée, on appelle ça poupée robot, the doll able to speak, able to act, able to do what any human being can do, a revolution of the 21st century, made in China via Canada, $5,000 to $25,000. Ça, le prix varie entre 5 à 25 000 $. Donc, le prix varie entre 3 millions jusqu'à 13 millions de francs CFA. Ça, sont des poupées robots qui sont capables de procurer le plaisir à l'homme exactement comme une femme. Et ces poupées, je ne parle pas des choses que je peux vous montrer à partir de mon téléphone si vous doutez, mais ça ne sert à rien, allez-y vérifier. Vous cherchez sur Google robotic dolls. Vous verrez, ces poupées s'expriment, elles parlent, elles font tout, elles sont capables de faire tout ce qu'une femme normale fait à un homme, sauf cuisiner pour cet homme-là. Mais elle peut marcher, se déplacer, et ainsi de suite. Elle a la chaleur humaine, elle a tout ce qu'il faut. Comme ils ont réussi à fabriquer, je crois que j'ai posté cela sur ma page Facebook, des robots qui sont capables d'être des gardes du corps. Vous allez économiser de l'argent sur les forces armées au lieu de mettre des hommes à risque. Ce robot est capable de tuer plus de 1500 personnes à la seconde et de vous protéger contre des voyous et a des caméras sur 360 degrés dans tous les angles. Même si vous êtes caché à 50 km de la Terre, ce robot est capable de vous capter et vous protéger. Mais ça coûte très cher, bien sûr. Bref, c'est pour vous dire que la technologie a également contribué à cette forme de masturbation qui, à moins que vous restiez comme ça pour le reste de votre vie, mais lorsque vous allez chercher maintenant à avoir une femme ou un homme, rassurez-vous, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Pourquoi? Parce qu'à cause du problème de l'égocentrisme. Donc, ces poupées-là, le fait d'être sur ces poupées ont de la matière d'une certaine densité, ce qu'ils appellent du silicone, hein? Silicone, human silicone. Ce human silicone, du silicone humain, ou latex, ou je ne sais pas trop quoi, ils ont étudié ces matières au point d'éviter de créer des allergies sur la peau de l'homme. Mais cette élasticité et la force de l'élasticité ou de réaction de ces corps étrangers, ce n'est pas la même chose avec un corps humain que Teta Mwanga, le créateur des cieux et de la terre, a créé et vous donné une femme. Ce n'est pas la même réaction. Ce qui fait que le fait d'avoir des rapports avec ces poupées-là, ça n'engage que moi, mais vous pouvez faire vos recherches, ça va vous créer ce qu'on appelle l'esprit de dépendance. Et la plupart des hommes qui se tournent là-dedans, moi j'ai vu, il y a des ingénieurs, des avocats, des sénateurs, des grands hommes politiques qui, pour éviter d'être impliqués dans des scandales, parce que les femmes vont leur créer trop de scandales, se retournent vers ces femmes robots. Et ces femmes robots, comme je vous l'ai dit, vérifiez-en, allez-y en ligne, mais je vous dis que les prix varient entre 3 jusqu'à 13 millions de francs CFA. Bien sûr, certains les payent à crédit, on vous la livre et le technicien vient faire le montage, cette dame-là marche, elle fait tout dans la maison, elle gémit, elle parle, elle vous appelle par votre nom, vous lui parlez. C'est un robot qui a été étudié, d'accord? Bref, ils sont en train d'étudier. Ce sont les Chinois qui sont derrière le projet. Ils sont en train d'étudier actuellement pour pouvoir faire en sorte qu'elles soient en mesure également de préparer. Donc, rassurez-vous que à l'orée du 21e siècle, la fin du 21e pour nous amener vers l'an 2050, les femmes ne seront plus à la portée des hommes parce que les hommes seront capables d'avoir des femmes robots, tout comme les femmes. Il faut être quand même juste dans tout cela. Bref, ça, c'est la deuxième forme de masturbation parce que vous avez des rapports avec un humanoïde. Parce qu'une poupée, qu'on appelle ça robot, est une forme d'humanoïde. Parce qu'il y a un peu de l'humain là-dedans. Un humanoïde, c'est le mélange à la fois de la machinerie et du côté humain, le génie humain. Ben, là, vous masturbez. Il faut dire la vérité. Maintenant, la troisième forme de masturbation, c'est celle que j'ai trouvée dans le livre de Genèse chapitre 38. Précisément du verset 9 jusqu'à 10. Allez-y lire pour référence. Nous ne sommes pas ici en train de promouvoir le christianisme, mais nous sommes en train de promouvoir la vérité. Parce que moi, quand je parle, je vous dis, j'aime toucher tous les angles, que ce soit religieux, scientifique, et ensuite, je viens sur le côté mystico-spirituel de nos rites traditionnels. Rassurez-vous, soyez patients, parce que même dans nos rites traditionnels, la masturbation a sa place. Mais sa place qui est là-dedans, est-ce que c'est toléré ou ce n'est pas toléré? On en viendra. Maintenant donc, le troisième degré ou la troisième diverse forme de masturbation, c'est celle qui est mentionnée dans ce livre de Genèse, chapitre 38, le verset 9 jusqu'à 10. Mais comme vous le savez, l'histoire, vous l'avez sûrement lu, nous venons tous de certains backgrounds. Moi, mon background ancien, j'étais un ancien chrétien, je connaissais mon résumé. Même dans l'islam, on parle de cette histoire de M. Onan, qui était le fils de Judas, sauf les noms qui changent un peu. Alors, ce mec-là, à partir du verset 9, on nous dit, dès lors qu'il commença à avoir des rapports avec cette femme, qu'est-ce qu'il fit? Eh bien, pendant qu'il était en rapport, au moment où il sentait la semence venir, alors il enlevait et il mettait ça de côté. C'est pour cette raison que la Bible utilise l'expression souiller et il souilla à terre. À l'instant où il le fit, eh bien, les écrits, que ce soit dans le Coran, dans la Bible, ou bien le Vain d'Avesta, ou dans d'autres livres saints que j'ai lus, selon l'histoire et le mythe, eh bien, le monsieur fut frappé par un ange. Donc, on l'a trouvé mort, le sang au nez, aux narines, autant pour moi, aux oreilles, et puis il est mort sur le champ. Alors, ici, bien sûr, c'était un acte très sérieux parce que à l'époque, c'était recommandé ainsi. Et c'était même une malédiction qui était posée sur la famille. Qu'une femme qui vient en mariage, qu'elle n'arrive pas à faire des enfants, si maintenant l'un des parents meurt, qui était le mari à cette femme-là, eh bien, il faudrait soit c'est le neveu, chose qui existe chez nous au sud, je ne suis pas en détail, quand je parle du sud, ma mère, elle est du côté du sud, elle est guichir. Du côté guichir, je sais de quoi je parle, car mon oncle avait sa femme. Et cette jeune femme-là, il était destiné qu'elle me revenait. J'étais encore, je crois, en première ou terminale au lycée technique. Moi, j'ai dit, mais comment ça a commencé cette affaire-là? Effectivement, c'était une jeune femme. Hein. Je crois qu'elle était dans sa trentaine et moi, je devais avoir entre 18 ou 19 ans. Voyez-vous, ça existe chez nous également. C'est-à-dire que quand l'oncle meurt, c'est le neveu qui prend la femme. Le point, c'est lequel? Eh bien, le monsieur, donc, Onan, c'est son nom. Et d'ailleurs, en sexualité, nous avons une technique qu'on appelle l'onanisme. L'onanisme. Veuillez prendre le dictionnaire, vérifier. Je n'ai pas vérifié sur Google, mais moi j'ai appris ça depuis les années 80. 81 précisément, quand j'ai pris l'histoire de Kumbhakarma Sutra Yoga. L'onanisme, c'est une technique qui consiste donc, pendant que vous êtes en plein rapport, eh bien, vous ne jouissez pas à l'intérieur parce que vous avez peur de grossir la femme, alors vous versez ça de côté. Voilà où est venue l'expression onanisme. Donc, rassurez-vous que quand vous lisez l'histoire d'Onan date de bientôt 4200 ans, dans la totalité. Nous sommes à l'an 2022, vous enlevez 2022 de 4020, vous verrez le nombre d'années que cette histoire existe. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous. Mais le côté masturbatoire, pourquoi je parle de masturbation ici? J'ai dit que c'est la masturbation ou encore c'est une autre forme de masturbation. Pourquoi? Mais parce que vous le faites, c'est pour votre propre plaisir en réalité. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous verrez qu'en sexualité, lorsque vous prenez et vous versez de côté, ça ne rend pas un bon service à la femme, pour deux raisons. Du point de vue psychologique, elle se sent humiliée. Elle se sent sale. Elle se pose des questions. Voyez-vous? Ça, c'est un. Et de deux, eh ben, c'est comme si vous vous masturbiez. Ça ne change nullement. Et j'ai posé même la question sur ma page Facebook. Quelle est la différence entre la personne qui se fait plaisir lui-même et verse par terre, puisque c'est l'expression que la Bible utilise, se souiller à terre, et la personne qui, étant dans l'appareil de la femme, le prend et puis verse de côté. Où est la différence? Il n'y a aucune différence. Parce que tout va. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est le fait de souiller la terre avec ça. En fait, c'est ça le grand point. Dans le judaïsme, vous allez discuter avec eux, ils vont vous expliquer que c'est l'un des péchés mortels, l'un des péchés très graves. Vous ne pouvez pas vous permettre prendre cette semence. Bon, aujourd'hui, la science nous explique comment cette semence est fabriquée. Mais il y a un grand secret, car derrière cette semence-là, vous avez la vie. Vous pouvez engrosser une femme. Vous pouvez donc créer ce qu'on appelle des spermes, le sperme. Et derrière ce sperme, il y a des spermatozoïdes. Mais derrière ces spermatozoïdes, il y a également des chromosomes. X, Y qui sont là-dedans. Et derrière les chromosomes, il y a une âme en préparation qui va pouvoir prendre possession du futur tétard qui va se former à partir de la rencontre du spermatozoïde et l'ovule de la femme qu'on appelle l'œuf. Voyez-vous? Donc, tous ces grands mystères-là, vous gaspillez tout et vous posez en terre. Voilà pourquoi, dans l'ancienne tradition, en dehors de la tradition juive, j'ai vérifié également dans un document qui a été écrit, je crois, par le vieux Cheikh Anta Diop, il n'est pas rentré dans le détail. Mais on disait que dans la sexualité, c'est ce document-là, il dit dans la sexualité négro-africaine à l'époque de l'Égypte antique, la sexualité était prise au sérieux au sens où il était interdit de pouvoir verser la semence, le liquide séminal à terre. Et c'est ainsi que pour éviter cela, il y a certaines pratiques où on prenait des jeunes pour les initier. Et quand La personne était en rapport et tout de suite, quand il y avait des accidents, on appelle ça les couches de nuit. Et c'est là où on viendra à la quatrième dimension de la masturbation. C'est la masturbation mystico-spirituelle. Les couches de nuit, donc, étaient provoquées par certaines entités, soit la femme ou le mari de nuit, ou bien par succube et incube. Et pendant ce temps, donc, les prêtres égyptiens nous expliquent que on recommandait d'avoir un cope. Le cope, pardonnez-moi, c'est le vieux français au village. C'est-à-dire qu'il fallait avoir un récipient. Et quand le liquide donc sortait, on mettait cela dans le récipient. Mais est-ce qu'en réalité c'était ça? Oui, peut-être à l'état conscient que vous voyez ça vient, on récolte, parce que c'était interdit que ça tombe par terre. Mais souvent, les couches de nuit pour les combattre, il y avait des séances, il y avait des prières. Vous retrouverez cela dans le livre des invocations des dieux égyptiens. Et que, au cours, bon, les gens vont mettre un peu trop dur avec moi, mais quelle est la référence? Je ne fais que vous citer le livre de Cheikh Anta Diop, mais le titre me reviendra, je vais le poster, le titre de ce livre-là, parce qu'il a écrit des centaines, des milliers d'ouvrages, et que quelqu'un a fait ce qu'on appelle des annotations. Donc moi, j'ai lu ceci dans les annotations qui ont été faites par l'un de ses professeurs. Et je vous informe que M. Cheikh Anta Diop a formé plus de 600 professeurs, de docteurs de l'égyptologie, en égyptologie, qui sont des Américains, ils sont pleins ici-là. Donc beaucoup d'entre eux ont écrit, et c'est parmi ces écrits que j'ai lu toutes ces informations. Et je n'ai pas cru bêtement. Il a fallu que je fasse des recherches également pour comparer avec ce livre de Genèse chapitre 38, pour comparer également avec le livre d'Énoch. Énoch également en parle dans ses écrits. Et en dehors d'Énoch, Moïse en parle dans son huitième livre, qui n'a pas été diffusé malheureusement. Vous avez seulement cinq, n'est-ce pas? Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Il y a seulement cinq, mais il manque cinq autres. Et les cinq autres livres, donc le huitième livre, il explique très bien ce phénomène sur la sexualité, éviter de déposer la semence et autres, dans les moindres détails, mais là n'en est pas l'objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler des dangers. D'accord? Le premier danger physique, on a dit, émotionnellement, vous êtes égocentrique. Et là, les religieux vont intervenir pour dire c'est un péché. Je n'ai pas dit que c'est un péché, mais sauf que ça va vous rendre des problèmes sérieux sur votre santé. Et vous allez donc développer une forme d'impuissance. C'est là où intervient le dysfonctionnement érectile. Pourquoi? Parce que vous êtes trop habitué à vous masturber, vous exercez trop de la force sur ce muscle. Le muscle qui assure votre main n'est pas le même muscle sur les cuisses de maman, s'il vous plaît. Donc, c'est différent. Voilà pourquoi vous allez développer des faiblesses. Et pourtant, vous êtes là, vous sentez à la force. Mais dès que vous allez vous trouver devant la femme, ça tombe. Pourquoi? Mais parce que deux phénomènes se sont produits. L'égocentrisme, à tout état de conscience, égal à tout état de vie. L'habitude étant une seconde nature. Vous vous êtes habitué à vous donner le plaisir vous-même, ce qui fait que face à la réalité, à une femme, mais vous n'allez pas vous concentrer à lui donner le plaisir comme il faut. Parce que vous, dans votre tête, oh non, pardon, je vais me décharger et puis terminer. Et quand vous faites ça crée la frustration chez la femme. Et sur cela, vous verrez que beaucoup d'entre vous pouvez être beaux, vos femmes commencent à être des tricheuses, des infidèles. Mais en fait, c'est à cause de cela. Mais est-ce que vous avez cherché la véritable raison? Bref, revenons sur. Pour ne pas perdre les idées sur cette troisième forme-là, avant de passer à la quatrième. Donc, la troisième forme de masturbation, je vous ai dit, ce sont les poupées qu'on fabrique à gauche, à droite, et vous les pompez n'importe comment, ainsi de suite. Mais là, il y a l'égocentrisme. Là, lorsque vous aurez maintenant besoin de vous retrouver face à une femme réelle, une véritable humaine, au lieu de dealer avec une humanoïde, eh bien, vous aurez des problèmes. Maintenant, quatrième forme de masturbation. La quatrième forme de masturbation, j'appellerais cela. Une masturbation, pourquoi? Mais parce que vous avez des activités sexuelles avec des entités que vous ne maîtrisez pas, c'est-à-dire dans le monde onirique. Là, ça peut être votre femme de nuit ou votre mari de nuit. Là encore, c'est aussi un problème. Et vous comprendrez pourquoi, chez nous au Gabon, nous avons un traitement que nous appelons, une cérémonie, autant pour moi, que nous appelons Mbumbayano. Le Mbumbayano intervient en fait pourquoi? Mais parce que votre femme de nuit vous emmerde. À chaque fois que vous allez vous retrouver avec votre femme réelle, pour votre information, j'ai cinq vidéos ici où je donne le traitement, ce que vous pouvez faire. Vous faites la cérémonie vendredi jusqu'à samedi. Je vous dis, de la plupart des gens qui ont tenté de faire ce rite, le premier témoignage que j'ai reçu, c'est un frère à Balan qui vient en Martinique, homme d'affaires, qui avait fait ce rite avec succès. Souvent, dans le plan matériel interposé, vous avez toujours des conflits avec votre femme, avec votre mari. Ça ne va pas. Mais en fait, mais c'est votre femme de nuit qui vous fait ces scènes de jalousie. Parce qu'elle était habituée à avoir seulement toi, homme. Mais maintenant, tu es allé prendre cette femme. Est-ce que tu as fait les cérémonies traditionnelles? Là encore, les Blancs vont rigoler, mais ça ne regarde pas trop les Blancs. Les Blancs aussi ont le même problème. Discuter avec un vrai Blanc qui est Irlandais, discuter avec un vrai Blanc qui est Gaulois, discuter avec un vrai Blanc qui est de l'Europe du Nord, discuter avec un vrai Blanc qui est français mais originaire de Marseille et de Montpellier, pas les Français qui vivent à Paris là. Ils vont vous dire si ce que je raconte c'est n'importe quoi. Ils connaissent ces phénomènes-là. Pourquoi ils ont créé les noms, succube, incube, esprit, génie de nuit, ceci, cela. L'Église catholique en fait mention. L'Église catholique en fait mention, tant pour moi, de femme de nuit, esprit de nuit, où c'est là où j'ai appris l'expression, ce qu'on appelle les couches de nuit. Chez les Blancs, ils appellent ça les couches de nuit. Mais ces couches de nuit, on représente, on dessine des esprits qui viennent vous coucher, mais on les a démonisés, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'influence de l'Église catholique à l'époque. Et les prêtres venaient démoniser ces créatures. Mais il n'y a que nous, dans notre tradition africaine, au lieu de démoniser ces histoires-là, Teta Mwanga, dans la grande science des arcanes secrètes, il nous explique que chacun de nous, quand nous avons été créés, moi, Morion Ouvier, quand j'ai été créé avec une partie féminine de moi-même. Et on l'appelle ma femme de nuit. C'est pour cela, mes humeurs, parfois, je deviens féminin. Trop gentil, trop couillon, trop bon, trop souple et tout ça là. Et moi, je me deviens émotionnel, je pleure. Parce que tout homme, tout être, homme avec grand H, que ce soit femme ou homme, nous avons en nous Adam et Ève. Ève, c'est le côté féminin, le yin. Et le yang, le côté masculin. Donc, Adam et Ève bouillonnent en tout un chacun. Mais maintenant, il faut savoir créer l'équilibre. Voyez-vous, maintenant, dans la science du 21e siècle, depuis le 21e siècle, on a découvert, notamment vers les années 1999, début octobre de l'an 2000, on a appelé ça des hormones. Et ce sont ces hormones-là qui ont des noms. Moi, j'ai des problèmes pour prononcer ce nom-là. Testostérone ou testostérol, vous les jeunes-là, allez-y me prononcer ça, pardonnez-moi. Alors, chez l'homme, nous avons cela. Chez la femme également, elle a ça. Et vous verrez qu'il y a des femmes qui ont des gros muscles n'importe comment, là. Elles se mettent et s'injectent ces hormones mâles. Oui, il y a la possibilité que la femme s'injecte les hormones mâles pour devenir maintenant un homme, avoir les bombes, poitrine bombées et tout ça. Et ce sont ces femmes qui deviennent des lesbiennes. La même chose chez les hommes. Les hommes qui viennent devenir maintenant des homos pour pouvoir épouser un autre homme comme lui, alors, quand ils passent par le phénomène des transgenres, c'est-à-dire l'histoire de se transformer, couper, enlever le papa et remplacer par maman là-bas, c'est une opération chirurgicale qui coûte à peu près 12 millions de francs CFA ici aux États-Unis. Partout, ici, nous avons même des cliniques. Puisque j'ai des malades, j'ai une malade d'ailleurs qui était victime de cette affaire volontairement et qui souffre aujourd'hui de dépression permanente. Un jeune homme, pourtant beau, élégant et tout, intelligent, il a décidé de se faire extraire. Bref, tout ceci pour revenir sur l'affaire de notre quatrième dimension, là, de la femme de nuit. Mais les Blancs, eux, ils ont appelé ça autrement. Hein? Les couches de nuit. Donc, ils ont démonisé. Mais chez nous, dans notre tradition, que ce soit le Gabon, Centrafrique, Congo, Cameroun, vous partez partout. Chez mes frères, là, j'oublie même le nom de la ville, là, où on pratique beaucoup de la sorcellerie. Il y a quelqu'un que j'avais là tout à l'heure, là, du Cameroun, une Bamileke qui m'expliquait des choses. Voilà le village, là, où se trouvent les pygmées. Fumane, Fumane, Fumane, du côté du Cameroun, là, où on fait la haute sorcellerie. Et ils expliquent tous ces phénomènes-là. Et chez nous, au Gabon, nous avons Mbumbaye, nous, pour résoudre ce problème. Je répète, vous êtes femme. Vous êtes né avec un mari de nuit. Et c'est ce mari de nuit qui a été pris là, créé par Dieu à vos côtés. Vous pouvez l'appeler comme l'Église catholique l'appelle, votre ange gardien. Ça n'engage que vous. Mais en tout cas, tout un chacun a celui-là. C'est un esprit positif. Positif pourquoi? Ben, il est là, il sert de protection. Moi, je vous ai même dit qu'il y a trois degrés de l'utiliser. Premier degré, c'est de pouvoir la dompter pour qu'elle vous laisse tranquille dans votre foyer. Là, elle peut accepter. Il y a une cérémonie qu'on fait qui dure seulement 24 heures. Je le répète, la cérémonie, elle est là. La vidéo est disponible. Deuxièmement, vous pouvez l'utiliser pour qu'elle vous apporte la richesse. Ça n'a rien à voir à ne pas confondre avec Mami Wata, à ne pas confondre avec la femme des eaux. C'est différent. Ça, c'est votre propre femme de nuit qui est capable parce qu'elle a cette capacité-là. C'est un génie indépendant. Maintenant, ça, c'est un bon génie. Vous ne pouvez pas l'avoir en train de vous terroriser. Maintenant, il y a un autre que malheureusement, c'est celui-là où les religieux mettent l'accent. C'est celui que nous, dans les sciences occultes, on appelle esprit succube et incube. Succube veut dire rentrer, donc c'est l'homme, l'esprit homme. Et incube veut dire encaisser, rentrer, maintenant, je suis ouvert. Donc, ces deux entités, succube et incube, malheureusement, sèment la confusion dans l'esprit de beaucoup d'individus quand on leur parle de femme de nuit et mari de nuit. C'est différent. Moi, j'ai simplifié tout en disant que succube et incube, c'est plutôt des entités démoniaques à titre correctionnel et de violence inouïe qui peuvent vous rendre votre vie misérable. J'ai partagé le témoignage d'une maman à qui j'ai fait une consultation quand j'étais en France lors de mon séminaire dans le Havre. La maman, elle est là, elle est même abonnée avec moi, elle vit en Espagne. Une maman d'origine qui a un pied au Gabon, un pied en Guinée équatoriale. Mais cette maman nous a raconté cet homme bizarre qui venait avec un long phallus, la menaçait et tout, et tout, et tout. Mais même moi-même, j'étais dépassé, j'ai dit non, non, non. On a fait le rite de Baboumba Yano, ça n'a pas marché. J'ai supplié rien. L'esprit est même venu me menacer dans ma chambre où je vivais, dans mon appartement, qu'on m'avait, les gens de France, Baobab France, là, m'avaient trouvé un endroit. J'ai rêvé le type en question et il est allé engueuler la maman. Donc là, comment expliquer cela? Ça, c'est l'esprit succube, mais manipulé par un membre de sa famille. Et la maman m'a donné le basset plus tard. Voyez-vous, pour calmer ça, chez nous au Gabon, on utilise ce qu'on appelle le loro. Mais en dehors de le loro, il y a encore d'autres cérémonies. Et là, ce n'est même plus l'affaire du Mbumba Yano. Mbumba Yano, je le répète, c'est au premier niveau. C'est-à-dire niveau de femme de nuit, mari de nuit. Donc, ça, c'est aussi une forme de masturbation. Je m'explique. Tellement vous faites des activités sexuelles avec ces esprits du monde du reflet, maintenant, dans le monde réel, vous aurez des problèmes. Parce que vous faites ce qu'on appelle les couches de nuit. Ces couches de nuit, quand elles sont répétées, à l'état normal, avec une femme normale, vous aurez des difficultés. Ça, c'est quelle dimension? 4. Allons-y, dimension 5 maintenant. La dimension 5, pour nous autres qui avons goûté à tout. À l'époque, je vous disais, j'avais mon portefeuille magique. J'avais une femme des eaux. C'est-à-dire celle qu'on appelle communément Mami Wata. Mami Wata vient du mot Mami War, c'est-à-dire la mère des eaux. Et toutes ces petites mamans-là qu'on appelle mère des eaux-là, leur première mère s'appelle Lilith, la première femme d'Adam. Vous pouvez vérifier mes informations auprès des Juifs. Ils connaissent que quel était le nom de la première femme que Dieu avait donnée à Adam. Elle ne s'appelait pas Ève. La femme-là a été créée directement par Dieu, non pas sous couvert de la côte. Mais la femme qu'on avait créée à partir de la côte de l'homme-là, c'est celle qu'on appelait Ève. Enfin, enfin! Pourquoi M. Adam s'exclame « Enfin, j'ai trouvé la femme qu'il me faut !» Pourquoi il dit cela? Mais parce qu'avant cela, il avait une femme qui lui rendait la vie dure, qui était égale à lui. Et c'est cette même maman Lilith-là qui influence aujourd'hui beaucoup de femmes qui créent des organisations à gauche, à droite, pour les droits d'égalité. La femme doit être égale à l'homme, ceci, cela. Et se permettre maintenant de faire ce que les hommes peuvent faire. Bon, je ne suis pas contre qu'elles aient les mêmes salaires, mais quand même, aller épouser une autre femme ou bien devenir polyandre maintenant. Une femme doit avoir 10 hommes, ceci, cela. Voyez-vous, ça c'est maman Lilith qui les influence dans le côté négatif. Donc, là, la cinquième forme de masturbation, c'est que cette femme-là, qui vous fournit de l'argent, qui vous apporte tous les vendredis, comme je le faisais au lycée technique, et quand j'étais à Port-Gentil, je vous fais une confession, mais les gens soupçonnaient et se posaient des questions, mais comment lui, avec son petit salaire de 300 000 francs, là, comment il fait pour avoir autant d'argent? Mais parce que cette dame me fournissait entre 350 et 400 000 francs CFA tous les vendredis. La formulation, il n'y a que moi qui gardais le secret. Mais ceux qui ont fait la magie cérémoniale noire sur les histoires des femmes de nuit, sur les histoires des portefeuilles ou des sacs qui peuvent vous amener jusqu'à 48 millions par semaine, ils savent de quoi je parle. C'est cette femme-là que moi-même je suis allé chercher au bord de mer à une certaine heure. Et cette femme-là existe. La journée, vous les voyez sous la forme des pelles. En bas, c'est que des poissons et en haut, c'est une vraie femme. Ce n'est pas la fausse que j'ai vue sur Facebook dont j'ai démenti pour expliquer ce qu'on appelle réellement une Mami Wata. Ça n'a rien à voir. Et ces créatures-là, elles sont humanoïdes car elles ont des capacités et mille fois plus puissantes que l'homme à l'état normal et cela fonctionne donc sur deux dimensions. La première dimension, à l'état normal, ils vivent sous les eaux. C'est là où ils ont été punis. J'ai expliqué cela. Il y a une vidéo qui explique comment ces mecs-là ont été punis. C'est-à-dire les anges déchus qui sont devenus ces créatures. Maintenant, ces anges déchus qui ont également des maris, parce que sinon, comment elles feront les enfants? Oui, les mamies Wata ont également leur mari là-bas dans les eaux. Mais personne n'a vu un mamie Wata ou bien un papi Wata qui vient. Non, c'est des créatures qui sont cachées là-bas. Mais les mamies Wata, c'est à cause du pouvoir de maman Lilith. Et c'est ainsi que ces femmes-là, qu'on appelle des femmes hybrides ou humanoïdes. Voilà la vraie expression. Si vous n'avez jamais entendu parler de ça. Humanoïdes. Vérifiez, allez-y sur Google, cherchez-moi humanoïdes. Si ça n'existe pas, pardonnez-moi. Mais moi, ça, c'est comment enseigner dans ma tradition. Ces humanoïdes-là, donc, elles vont exiger de vous des activités sexuelles sur la base du contrat que vous allez signer avec elles. Et ce contrat se signe de deux manières. Sur un papier blanc sur lequel vous vous blessez et vous déposez du sang. Allez-y me suivre la vidéo intitulée « Quels sont les cinq éléments qu'on vous demande pour faire la véritable sorcellerie ?» Le sang fait partie de celle-ci. Donc, si vous tombez dans le piège de signer ce contrat, rassurez-vous, vous allez mourir entre ses mains. Et il y a une deuxième forme de signature, c'est la signature que nous signons sur le sable pendant que la marée est basse. Celle-là, c'est ce que moi j'ai utilisé parce que j'avais un bon maître. Oui, ce maître-là m'avait donné toutes les astuces, comment divorcer rapidement avec elle. Mais elle vous fournit tout ce que vous voulez. Vous avez des rapports sexuels avec elle, en constance. Mais maintenant, quand vous avez des rapports sexuels avec cette créature humanoïde qu'on appelle la femme des eaux ou Mami Wata, à ne pas confondre avec la quatrième dimension, forme de masturbation avec votre femme des nuits ou encore l'esprit ou une cube ou un chicube, ça n'a rien à voir. Là, je vous amène dans le monde des esprits. Le monde des esprits est catégorisé par des milliers d'états, des formes. Je vous dis que si je me mettais à vous parler de ces choses-là, beaucoup là, vous allez trop avoir peur de moi. Je vous dis qu'il y en a des milliers. Et là, je ne vous amène seulement qu'au cinquième degré. Savez-vous que même les animaux que vous tuez n'importe comment ont des créatures, ont des entités? Savez-vous que même les selles que vous déposez, parlant des cacas, ces cacas-là, je vous ai dit ça la dernière fois, ils ont ce qu'on appelle des vers mystiques. Mais les mêmes vers que vous voyez lorsque la défécation s'est complètement volatilisée et se transforme en vers. Mais ces vers-là, dans le plan de correspondance, a également ce qu'on appelle des mystic worms. Et c'est ici, auprès de mes amis amérindiens, auprès des hautes magies cérémoniales amérindiennes où j'ai été initié, où j'ai appris ces choses et je les ai vues de mes yeux. Et lorsque vous sautez en vampire dans les terres, vous allez à une certaine distance, même seulement 5 km de la terre, vous verrez que la terre ressemble justement comme les vers qu'on trouve dans les WC, les vers de caca du village. Et tout le monde devait le savoir. Que les gens vivent trop que de méchanceté. Bref, pour ne pas vous divertir, cinquième dimension donc, cette femme avec qui vous avez des rapports sexuels constamment, vous allez vous y attendre à quoi? Le jour d'ailleurs, vous allez tenter de tricher, aller avec une femme normale, mais rassurez-vous, vous tombez en panne. Vous tombez en panne. Et je sais de quoi je parle. En 1990, j'ai été victime. De 88 jusqu'en 90, je sais de quoi je parle. Cette jeune dame-là, elle vit encore. Elle est infirmière. Elle est quelque part au Gabon. Ah oui, elle se posait des questions. Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Mais parce que j'avais cette femme-là. Mais cette femme que j'avais, moi, c'est parce que j'ai réussi à détourner le contrat. Je l'ai signé sur le sable quand la marée était basse. Donc, du coup, à chaque fois qu'elle venait me faire du bruit, je lui ai dit, amène-moi le document qui me prouve que tu es toujours ma femme. Vous voyez, dans le monde de la sorcellerie ou de la magie ou de la haute magie, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, il y a toujours des choses qu'il faut connaître. Il faut avoir des astuces. Cinquième dimension, donc, quand vous avez cette femme-là, rassurez-vous. Vous vous masturbez. Puisque quelqu'un va venir dans votre maison, quelqu'un qui va venir vous lorgner là, il entend le mec qui est en train de gémir, il regarde, il est tout seul. Mais le type là, il est fou, comment il va gémir tout seul? Mais il a les rapports avec cette entité-là. Il faut avoir l'œil de l'esprit pour comprendre que là, il est avec une femme, mais qu'une femme qui vient d'une autre dimension, qui vient du monde aquatique, et qu'elle est androïde, elle est du règne androïde, bien que faisant partie de la famille de... étant humanoïde, je voulais dire, elle fait partie d'un règne là, de reptiliens, voilà. Parce que les Mami Wata font partie des reptiliens. Et ces reptiliens, rassurez-vous, 95% de ces reptiliens, les études sont toujours en cours. Je me réfère à la grande page scientifique du New York Times. Je suis abonné du Washington Post. Ils en parlent. Il y a des parties où ils parlent beaucoup plus de sciences sur ces domaines-là. Et je suis membre dans la plupart des académies de sciences, soit Canada, France, tout. Je suis curieux, je m'inscris. C'est gratuit l'inscription. On nous dit que donc ils sont en train de mener les études sur ces reptiliens-là. Mais ces reptiliens sont difficiles à comprendre parce qu'ils ont des forces surnaturelles. Mais qu'est-ce qui explique cela? Moi, Moréo Nouvier, connaissant l'histoire des anges déchus, connaissant l'histoire du début de la création de l'humanité, lorsque je m'initie, je mange mon bois sacré, quand je vois ce qui bouillonne à travers la planète, quand je vois ces créatures qui contrôlent ce monde, et lorsque je sors avec ma technique de la sortie astrale des Amérindiens, et que je regarde la terre, c'est des vers de terre qui sont dans le caca du WC africain, ça veut dire quoi? Mais il y en a des choses terribles que vous ne maîtrisez pas. Et quand on vient vous parler en tant qu'initié, arrêtez de prendre les gens pour des fous. Là, quand je vous ai dit, je préfère m'arrêter à la cinquième dimension. Donc, cette cinquième dimension également est une forme de masturbation. Parce que vous avez des rapports avec une personne que vous ne voyez pas. Maintenant, revenons un peu sur terre. Vous êtes sur votre propre lit et vous êtes là, vous vous masturbez, vous vous satisfaites, vous êtes là en train de gratter, je ne sais pas quoi que vous cherchez sur votre corps et puis vous donnez le plaisir et puis vous éjaculez. Mais en réalité, mais avec qui vous avez le rapport? Mais dans le monde métaphysique, vous avez réellement un rapport avec un esprit de l'au-delà. Puisque votre esprit se concentre, quand votre esprit se concentre, vous pensez à qui? Vous pensez certainement à la pauvre fille, Mademoiselle Matsang, Marie-Madeleine, celle que vous aviez laissée à Chibanga il y a de cela 20 ans. Vous pensez parce qu'elle vous donnait des bons moments. Mais savez-vous que vous empoisonnez mystiquement cette maman-là? Parce que pour vous masturber, il faut que vous vous concentriez sur quelque chose. Il faut penser à quelque chose. Et pourtant, vous êtes avec la pauvre femme au lit, sur le lit. Mais chérie, c'est comment tu ne me touches plus? Oh non, moi, je sens ton corps devenir froid. Mais le corps devient froid comment? Mais parce que vous êtes dans des pratiques nuisibles, bizarres. Voyez-vous? Alors, est-ce que l'aventure que j'ai faite d'aller avoir ces femmes reptiliennes ou des femmes des humanoïdes, de ceci et cela, est-ce que c'était bon? Moi, je vous dis, ce n'est pas bon, puisque je décourage les gens. Les gens qui, jusqu'aujourd'hui, continuent à me contacter. Oh, monsieur Bouéré, pardon, maître, envoie-nous le portefeuille magique. J'ai même créé mon propre portefeuille magique ici. Les gens continuent à s'embrouiller. Et pourtant, ça marche très bien. Je n'ai pas eu besoin d'évoquer un démon. C'est un portefeuille magique qui marche sur la mystique chrétienne que j'ai appris auprès du père. Il s'appelait comment? Père Manson, à Lambaréné, en 1974. Parce que le père. Le papa là, Père François. Le Père François était parti en France et il est mort en 1973. Mais on nous a fait croire qu'il était toujours en vacances. C'est comme ça le Père Manson est venu le remplacer en 1974 jusqu'en 1976 quand je quitte Lambaréné pour aller à Omboué. Voilà le papa là qui m'a appris toutes ces techniques là. Les psaumes que vous avez. Bon, là j'ai suivi le débat avec Toto Bekale, j'ai essayé de participer en ligne. Bon, ils m'ont dit, mais toi tu es aux États-Unis, c'est compliqué, il faut venir ici au Gabon. Mais moi je suis venu au Gabon, je sais quoi. Bref, ils ont parlé du problème de la Bible. Beaucoup d'histoires. Donc, retenez en résumé, les différentes formes de masturbation, elles sont nombreuses. Vous pouvez vous masturber mystiquement également. Vous pouvez vous masturber physiquement. Je viens de le démontrer. Les dangers sont où? Un, je vous ai dit dans le plan matériel et physique, vous allez souffrir des érectiles, on appelle ça comme ça, erectile dysfunction, des dysfonctionnements érectiles. Vous allez souffrir des déficiences érectiles. Vous allez avoir une forme d'impuissance. Vous savez très bien qu'aucun humain sur Terre ne peut souffrir d'impuissance, même si vous avez le diabète. Le diabète de type 1, bon, ça peut être préventif, même du type 2. Mais il suffirait que vous ayez un médecin qui vous suive et que vous suiviez les règles de la vie, votre poids, le poids de votre corps par rapport à votre taille, suivi d'une diététique bien suivie, c'est-à-dire un régime alimentaire bien coordonné, et faire au moins 20 à 25 minutes de sport chaque jour, transpirer, courir au moins 1 jusqu'à 3 km par jour. Mais vous avez cela sous contrôle, vous pouvez avoir vos érectabilités. Mais si maintenant, parce que vous êtes diabétique, que petit papa ne fonctionne plus bien, vous perdez votre érectabilité et que vous pensez que c'est la masturbation qui va vous aider, mais je vous dis, vous vous rendez mauvais service. Donc, enlevez la masturbation dans vos foyers. Maintenant, les gens m'ont dit, mais oui, mais papa, l'affaire de Genèse chapitre 38, la Nyambe, toi qui es venu encore nous dire que c'est la masturbation. Je le répète que c'est une forme de masturbation. Parce que quand vous êtes avec la femme sur le lit et que vous ne mettez pas cela en elle et vous prenez, vous mettez de côté, la Bible a appelé ça comment? Même le Coran, il a appelé ça comment? Et d'ailleurs, le Coran est trop dur. Je vous dis, quand j'ai lu le même chapitre chez les amis musulmans, oh là là, alhamdulillah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah veut dire qu'Allah me pardonne. Mais là-bas, c'était un mot trop fort. C'était un mot même qui peut dire que vous insultez Dieu. Mais nos amis araméens, hébreux, quand ils ont écrit ça, et selon la Vulgate qui ont essayé de faire la traduction, ils ont mis des à peu près un français très amorti, acceptable pour dire souiller à terre. Mais même quand vous prenez le verbe souiller, mais souiller veut dire quoi? Souiller veut dire gaspiller, non? Souiller veut dire même, comment dirais-je, recevoir la malédiction. Souiller veut dire vivre sous la saleté. Je ne sais pas. Cherchez même le mot. Même quand vous-même vous voyez le verbe là. Bon, bref. Les dangers physicaux, biologiques, l'impuissance est en cours. Je n'ai pas fait de déclaration gratuite. Cela est clair. Tomber impuissant. Mais l'impuissance, un homme impuissant peut faire-t-il des enfants? Oui. Allez-y demander les urologues. Ce n'est pas encore moi. Tant que vous avez du sperme vivant, vous pouvez. Mais là encore, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être érectilement fort. Vous pouvez faire des enfants. Mais c'est dangereux parce que je vous dis que ce que je vous parle, c'est la science qui le dit. Maintenant, du point de vue mystique. Mais naturellement, on va vous trouver quelqu'un de bizarre. Vous nourrissez des entités de l'au-delà. Vous nourrissez des entités du bas astral. Vous nourrissez ces mamies wata de vos énergies. Votre liquide qui est supposé être sur le réservoir de la femme, le spectacle, le réceptacle de la femme, vous allez mettre ça sur une créature qui se transforme en poisson la journée. Et la nuit, elle est là maintenant comme une vraie femme avec des pieds et des mains, alors que c'est une entité reptilienne ou encore elle est carrément une humanoïde. Comment ça a commencé? Mais nous autres, nous avons commis ces erreurs. Mais voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne. C'est pour venir parler de ces sujets tabous, pour venir vous sensibiliser, pour venir vous dire que ça, c'est pas bon. Donc moi, quand je viens vous dire que ce n'est pas bon, mais c'est par rapport à mon expérience. Mais c'est par rapport aux recherches que je fais. Je me cultive. Je me développe. Il n'y a rien de sorcier ici. Bon, maintenant, nous qui sommes dans les rites initiatiques, là, Kubilombu, Bwiti, Nenye, Mikwelengi, vous me citez ça, Ngom, là, n'importe quel rite de chez nous, quel que soit le nom du Bwiti, demandez à ces mecs-là, est-ce que la masturbation fait partie de notre société? Vous allez entendre le mot suivant. C'est le mot-là que mon grand-père, que moi, quand m'avait laissé. Vengo, vengo, vengo, vengo, vengo, vengo, vengo, vengo, oh, oh, oh, vengo. Vous demanderez à un vrai initié ce que ça veut dire, vengo, vengo. Ça veut dire sacrilège. Qu'est-ce que tu avais nous parler de choses comme ça? Sacrilège! Est-ce que ça veut dire que nos vieux du village ou bien nos ancêtres ne se masturbaient pas? Mais je serai en contradiction. Je vous ai dit, on a trouvé des effligies, par exemple, au niveau, puisque toute l'histoire se tourne toujours du côté de l'Égypte antique, car c'était, semble-t-il, le grand laboratoire des grandes connaissances. Mais vous oubliez tout qu'au niveau de Mbandja Congo, du niveau de Mbandja Congo, donc dans la zone du Gabon, du Cameroun, du Congo et Gabon, là, nous avions également des grands temples, des connaissances expérimentales, plus vieilles même que celles de l'Égypte. Et là, récemment, on a découvert le plus vieux temple, qui avait plus de 5000 ans, du côté du Soudan. On a fait des fouilles. Ça date de 2010, là. On a découvert, c'est sorti. Et là, dedans, on a découvert, j'ai les documents avec moi ici, je ne vais pas vous les exhiber, on a encore découvert des vieux documents qui datent de près de 15 000 ans, 20 000 ans, qui nous confirment que les pratiques sexuelles dans le temps que nous vivons aujourd'hui, c'était les mêmes ailleurs qu'un autre temps. Mais que certaines pratiques étaient condamnables. D'accord? Par exemple, parlant de la masturbation, ce n'était pas la bienvenue. Parce que cette masturbation vous connecte avec les entités de l'au-delà à travers un filigrane invisible qui s'appelle l'esprit. Parce que quand vous masturbez, vous vous concentrez, non? Mais vous vous concentrez sous couvert de quoi? Mais c'est sous couvert de votre esprit, de la pensée, non? La pensée, je l'ai dit, il y a un enseignement ici où je parle de la pensée, il y a de cela 3 ans que la vidéo est sortie. Je vous dis, la pensée, c'est le grand engin, c'est l'engin principal qui vous permet de voyager dans l'espace et le temps, n'est-ce pas? Mais à travers la pensée, que vous éjectez dans l'éther sous couvert d'une masturbation. Mais vous vous faites attraper par des entités démoniaques. Donc, conséquence mystico-spirituelle, la masturbation vous lie avec les entités au-delà. Maintenant, pour revenir sur la question qu'un jeune homme a posée, j'aimerais bien revenir là-dessus. Et je vous donne l'occasion également de poser les questions pendant que vous êtes là. J'attaque tout de suite la partie question. Il y a une question très pertinente qui a été posée. Et donc, j'encourage les gens, s'il vous plaît, évitez de trop poser les questions sur les vidéos parce qu'à la fin, ça me fatigue. Venez, voilà pourquoi on a les forums là, s'il vous plaît. Alors, la question, est-ce que c'était sur la sexualité? Je veux voir cette question-là. Cette question était très, très pertinente. Je vais la prendre. Oui, c'était sur la masturbation. Oh, je crois que c'est la petite vidéo que j'ai sortie hier. Oui, c'est sur ça. C'est sur ça. Oh, comment ça? C'est sur cette vidéo-là. Pardonnez-moi, hein? Préparez vos questions, je reviens à vous. Parce que cette question a attiré mon attention. Je vais pouvoir la répondre. Et je sais que la personne nous suit, elle est là. Et je vais répondre honnêtement à votre question. D'accord? Et puis, quand vous venez me poser des questions, là, ne me posez pas les questions dans vos langues, oh, pardon. Parce que si vous me parlez les langues de l'Éthiopie, je ne maîtrise pas les langues éthiopiennes. J'ai constaté qu'il y a des commentaires en langue éthiopienne, mais je suis obligé de prendre le dictionnaire et je découvre que c'est pour me dire que merci beaucoup pour vos enseignements. OK, la masturbation. Maître, bonsoir. En effet, selon mes recherches, je ne vais pas citer le nom de la personne. La personne dit qu'en effet, maître, bonsoir, les masturbations attirent les entités du bas. J'ai remarqué que ces entités-là sont féminines, avides d'énergie. Mais maintenant, comment s'en débarrasser? Bonne question. Je crois avoir répondu presque à une partie de cette question, mais retenons bien la question qu'il pose. Et pas la question, la remarque qu'il fait. Que la masturbation attire les entités du bas. Et il a remarqué que la plupart des entités qui utilisent ça, c'est souvent des entités féminines. Vous m'avez suivi? Vous m'avez suivi depuis le début, non? Ça ne veut pas dire que la femme, elle est maintenant démoniaque. Mais vous le savez, entre parenthèses, que la femme, c'est la créature la plus puissante. C'est elle qui détient le réservoir de toutes les forces du monde entier. C'est elle qui est le sceau, le socle de la connaissance, le socle de l'humanité. Nous lui devons reconnaissance sur cela. La question qui a été posée. Ce sont, effectivement, ces entités, souvent, viennent sous la forme féminine. Le plus souvent. Pouvez-nous étirer. Maintenant, comment s'en débarrasser? Bonne question. Il y a plusieurs méthodes pour s'en débarrasser. D'abord, faites d'abord l'expérience d'observation. Toujours, en toute chose, en toute science, c'est ce que la science nous exige, observez d'abord, pour éviter que les gens pensent que c'est vous qui déviez maintenant, vous vivez maintenant des hallucinations, ou bien vous êtes devenu paranoïque. Observez d'abord. Maintenant, l'observation, ça consiste donc pour vous de confirmer la chose que vous avez vécue. Si ça se répète deux fois, trois fois, maintenant, passez à l'action. Et pour passer à l'action, un, il faut d'abord vous poser la question, qu'est-ce que vous-même vous faites? Vous faites cette déclaration, je ne vous accuse pas que vous pratiquez la masturbation, vous avez fait une observation. Mais cette observation vient de quoi? Est-ce que c'est une observation d'un vécu individuel ou d'un vécu interposé par quelqu'un d'autre? D'accord? Maintenant, quelle que soit la réponse que vous me donnerez, que ce soit quelqu'un d'autre ou pas, voici ma réponse. Quand vous constatez effectivement que ces créatures humanoïdes qui prennent la forme humaine masculine, pour ne pas dire féminine autant pour moi, vous agressez sexuellement, parce que ça c'est des agressions. Hein? C'est des agressions. Vous n'êtes pas là pour attendre une femme de l'au-delà pour venir vous faire la chose. Non, vous voulez une vraie femme, mon Dieu. Donc, pour éviter ce genre d'agression généralement, premièrement, il faut arrêter la pratique que vous faites. La pratique que vous faites, qui les attire? Est-ce que c'est la masturbation? Arrêtez! Est-ce que c'est facile d'arrêter? Non. En ce moment, vous devez, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à arrêter, que ce n'est pas facile, ça veut dire que vous êtes addicté. Ça devient une addiction. D'accord? Ça, c'est le premier, la première réponse que je donnerai à cela. Deuxième réponse, il faut aussi arrêter les contacts avec certaines pratiques que vous faites. Rassurez-vous, sur mes 443 vidéos qui sont ici, il n'y a aucune vidéo où je vais vous montrer comment contacter le diable, comment contacter les démons, comment rentrer en communion avec maman Lilith. Non, nullement. Donc, ça rassurez-vous que tous les rites, sur les 195 rites, parmi les 442 vidéos qui sont ici, si vous les pratiquez, vous serez à l'abri de ces attaques-là. Pourquoi? Parce que la plupart des rites que je démontre ici, l'objectif c'est quoi? Comment vous protéger contre les forces du mal? Comment vous en débarrasser de certaines énergies négatives? Comment? Maintenant, ici il s'agit de dealer. Vous dealer avec des femmes, des esprits humanoïdes, du règne reptilien, que des esprits Mami Wata, esprits, je ne sais pas moi, de richesse ou de ceci et cela, ou esprits, d'ailleurs chez les chrétiens dans les églises éveillées, ils disent, je demande au nom de Jésus de te chasser les esprits de la masturbation. Ils existent. Il y a des entités pour la masturbation. Tout comme il y a des entités pour la gourmandise. Tout comme il y a des entités du bas astral qui vous pousseront toujours à être esclave du sexe. Qui vous pousseront à être toujours esclave de la bouffe. Esclave de Makobo. Esclave de Musungu. Esclave de Regab. Oui, il y a des entités pour ça. Puisque à tout état de conscience égale à tout état de vie. Bon, maintenant, ces esprits du bas astral, ce n'est pas forcément les démons que Tata Mwanga a créés. Non, non, non, non, non. Hein? Mais ce sont des humains. Monsieur Mandjango, général Mandjango, qui était un dictateur, qui tuait les gens n'importe comment, il a fini sa vie à être un soulard, un tocard, désordonné, mais il meurt tué par son propre aide de camp, qui était un simple caporal chef. Bon, Mandjango, quand il meurt, son âme n'est pas contente. L'âme donc de Mandjango rôde autour. Mais c'est cette âme de Mandjango qui va former d'autres soulards. Donc, du coup, ben, le Musungu, si Mandjango était toujours dans les bars de Musungu, mais l'esprit de Mandjango va être dans les bars de Musungu. Si l'esprit de Mandjango était toujours dans les clubs de prostitution qui se trouvent à la gare routière, mais vous allez vous y attendre à quoi? Mais l'esprit du général Mandjango sera toujours dans la zone de la gare routière, où il y avait des jeunes prostituées professionnelles venant des pays voisins à gauche et à droite. Donc, à tout état de conscience, égale à tout état de vie. Cela est clair et net. Donc, pour ne pas se divertir de cette question très importante, la deuxième coupure que vous devez créer, mais c'est de créer une coupure avec les entités des pratiques que vous faites. Voilà pourquoi j'ai sorti le propos que tout ce que je donne comme enseignement ici, vous ne verrez aucune technique qui, après la pratique, et donc je reçois les témoignages, aujourd'hui encore, ils sont là. Hein? En Belgique, là, j'ai reçu un jeune homme qui m'a donné un témoignage. Que le fait de pratiquer mes enseignements, la femme est agitée dans la maison. La femme s'énerve. Oh non, moi, toi qui fais maintenant des sorcelleries, ceci, cela. Voyez-vous, quelle sorcellerie? Mais parce que, bref, peut-être qu'elle est en train de nous suivre, pardonnez-moi maman, mais j'ai fait des révélations à ce jeune homme-là, marié à cette femme-là, je lui donne les raisons. Pourquoi elle s'agite? C'est pour vous dire que quand vous rentrez en possession, parce qu'il m'avait demandé le conseil de rentrer en possession de certains livres sont magnétisés. Certains livres vous mettent en connexion avec les entités de l'au-delà. Donc, il suffirait que moi, Morion Nouvier, je vous donne la clé. Et dès lors que vous avez cette clé-là, et quand je dis je donne la clé, parce que j'ai été initié, parce qu'on m'a donné la clé. Dans tout livre, dans toute forme d'initiation, on vous donne une clé. Vous ne pouvez pas vous permettre de rentrer n'importe comment quelque part si vous n'avez pas un code. Moi, quand je dis aux gens, je peux rentrer la présidence de la République comme je veux. Oh, mais toi, tu as des relations, toi, tu es devenu vendu. Mais quel vendu? Il n'y a pas question d'être vendu. Mais moi-même, je connais le code. Ce qu'on appelle communément une parenthèse, on a des relations partout. Ce n'est pas parce que, je prends le cas de la politique, ce n'est pas parce qu'on est opposant à la philosophie de celui qui dirige que forcément vous êtes l'ennemi. Non, il va vous recevoir, vous allez dire ce que vous avez à dire. Donc, bref, c'est la même chose dans le monde mystique. Il faut avoir des clés. Donc, deuxième, j'insiste sur la deuxième partie, coupez les liens avec les pratiques que vous faites. Pour la personne qui m'a posé la question, là, mais regarde, ces femmes-là, la masturbation va me lier avec les esprits. Donc, premièrement, si vous vous masturbez réellement, bon, je n'ai pas dit que vous personnellement, mais ça s'adresse à tout le monde, tout ce qui me suit. Si vous avez l'habitude de vous masturber, il faut arrêter. Parce que, pourquoi? Parce que la masturbation est une porte d'entrée de ces démons de la masturbation. C'est une porte d'entrée de ces démons ou esprits dépravés du bas astral. À la fois pour des démons qui sont des créatures réelles, qui au départ étaient des anges, comme je vous ai dit, des bons génies au départ, mais qui ont décidé de choisir de faire le mal. Ils existent bel et bien. Maintenant, l'autre côté des esprits du bas astral, mais je vous ai donné le nom de Mandjango, je peux vous donner le nom de Mundzigu, je peux vous donner le nom de Mugula, je peux vous donner le nom de M. Tarobian. Ces mecs-là qui ont choisi de faire le mal, couper les têtes des gens n'importe comment, être dans des histoires de crimes rituels, parce qu'ils reçoivent des milliards, ou je ne sais pas trop quoi. Ça, c'est des gens qui choisissent ce genre de mode de vie. Bon, maintenant, ce mec-là, quand il meurt, vous pensez qu'il part où? Dieu ne le reçoit pas au paradis. Non, non, non, ni à l'enfer, non. Ils sont dans leur monde de correspondance, car le sang des innocents qu'ils ont sacrifiés crie fort. Et du coup, ils ne peuvent pas se libérer de ça. C'est ce que les gens oublient. Souvenez-vous, là, le crime que M. Caïn a commis là, vis-à-vis de son frère. Caïn, où es-tu? Oh, papa, moi, je suis ici, là. Pourquoi? Parce que le sang de ton frère Abel crie depuis la terre jusqu'à moi. Donc, ces mecs qui ont commis des crimes quelconques, je ne porte aucun jugement. C'est la loi de correspondance. Ce qui est en haut, ce qui est en bas, et comme ce qui est en haut. Bon, Père, toi qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Loi de correspondance. Que, à tout état de conscience, égale à tout état de vie. Donc, maintenant, il faut me couper ce lien. Vous allez couper les liens de la base. Et c'est ainsi que le haut va répondre, mais avec beaucoup de violence. Oui, vous avez identifié que c'est des esprits féminins, mais c'est vrai, parce que souvent, ils passent par soit la femme succube, ou bien la femme des nuits, Et surtout, surtout, la femme succube là. La femme incube qu'on appelle, l'esprit incube. Parce que c'est elle qui est beaucoup plus violente. Mais là, le troisième aspect que je n'ai pas développé, que vous n'avez pas besoin de développer, mais je vais faire mention parce que j'ai déjà fait un enseignement dessus au cours du séminaire, c'est que, parlant justement du cas de cette maman d'origine de la Guinée, là, la maman, le cas qu'on a vérifié, ce n'était pas forcément l'esprit succube, mais on s'est rendu compte que c'est un parent dans la famille. Ah oui, oui, c'est un parent dans la famille. Donc, là où vous êtes là, vous avez des parents qui veulent venir vous coucher pendant que vous dormez. Ah mais c'est la vérité, il ne faut pas le cacher. Hein? On parle de... Il n'y a rien de tabou ici. Alors, le mec donc qui vient vous menacer, vous êtes pourtant marié, mais rien. Ou bien, les relations avec le mari, ça ne marche pas. Mais la nuit, vous êtes toujours violenté. Le mec vient, il vous violente, il vous violente. Et ils sont tellement malins qu'ils ne vont pas utiliser le vrai masque. Vous avez déjà vu les balles masquées, non? Hein? Les balles masquées. Mais celui qui a créé les balles masquées, mais il s'inspire de quoi? Mais que les gens mènent une double vie. Devant vous, il a un autre visage, mais derrière la scène, c'est un autre visage que vous n'allez pas reconnaître. Donc, ces mecs-là des balles masquées, il utilise sa force pour venir vous coucher, faire de vous son réservoir d'énergie permanent, viendra toujours sucer vos énergies. Votre mari, il y a une maman, je garde son nom, qui m'appelle, je demande à ma maman, c'est comment ça ne va pas, yo, tatingambio. Ouais, qui est, toi, tu es, ouais, je suis en France. Oh. Le mari, oh, le mari est parti au pays. Mais comment? Il ne t'a pas libéré la vie? Enfin, je ne lui ai pas posé la question. Mais elle me dit, le mari est parti, mais depuis que le mari est parti, la vie est pourrie. Et quand elle a demandé divorce, le mari ne veut même plus l'appeler. Bon, maintenant, cette maman-là, je ne lui ai pas chargé un franc. Mais maintenant, si elle me suit, écoute, maman, mais c'est tout simple. Si votre vie est pourrie, mais parce que le mec, je vous l'ai dit, il a un cordon ombilical qui vous lie avec vous. Maintenant, il est là-bas. Il utilise votre esprit pour pouvoir réaliser ce qu'il veut faire. C'est pour ça qu'il ne veut pas entendre parler de divorce. Vous demandez le divorce, il dit niet, il ne veut pas entendre parler. La pauvre maman, maintenant, elle est carboignée. Mais il y a des gens comme ça. Il faut me couper ce cordon-là. Et puis vous, les mamans aussi, vous parlez trop. Vous n'avez pas besoin de l'avertir. Tu es en France là-bas, qu'est-ce que tu as à foutre? Mais tu demandes un divorce. Et puis, même si ça va prendre 10 ans pour que le divorce soit prononcé, mais il faut le prononcer. Parce que ce mec est en train de vous pourrir la vie. Vous n'avez même pas encore 60 ans. Mais vous ne pouvez pas entendre la voix, on dirait que c'est maintenant une maman de 90 ans. Mais c'est comment cette affaire-là? Parce qu'il y a un salaud, un mec, qui est là, qui travaille avec les agents des ténèbres, qui vous pourrit la vie, ils refusent de vous donner le divorce. Voilà des cas comme ça qui nous montrent une fois de plus qu'il y a toujours des alliances. Donc, il faut couper ces alliances-là. Hein? Il n'y a pas seulement que la masturbation en tant que telle. Il y a des alliances. Ces alliances, donc, vous lient avec certaines entités. Oui, je partage votre avis, c'est des choses qu'il ne fallait pas dire. Mais je vous dis en réalité, en vérité, les entités les plus influentes sur la Terre, malheureusement, c'est souvent des entités qui se présentent sous la forme des femmes. Oui, c'est souvent les génies qui se présentent sous la forme féminine. Ben, voilà pourquoi on dit que la femme, c'est elle qui est la plus grande sorcière. Hmm? Bon, sorcière, bon, maintenant ça dépend comment les gens le comprennent. Mais moi, je l'ai dit au début de mes propos, la femme, c'est elle qui est le socle de la vie. C'est elle qui garde, c'est elle le garde-sceau de nos pouvoirs. C'est à elle que Teta Mwanga avait donné tout pouvoir. Nous, dans le Bouété, dans la tradition que je suis, ben, là-dedans, on nous a dit que celle qui avait amené l'Iboga, là, c'est une femme. Hein? Tous mes frères métis me donnent le bassin. Et c'est la vérité. Donc, c'est pour cela, ces créatures-là, hein, à cause de maman Lilith aussi, qui était la concurrente de notre papa Adam, selon la tradition biblique, bah, elle ne nous laisse pas en paix. Elle est obligée de nous terroriser. Et comme l'homme n'arrive pas à résister à cause de la femme, regardez les publicités qu'on utilise. On montre toujours les femmes avec belles poitrines. Les publicités, vous passez à la télévision, c'est toujours les femmes qu'on utilise pour montrer les bikinis. Vous voulez montrer savon homo, on montre une femme qui entre de là-bas avec un savon homo parce que le mari menace de la chasser, l'envoyer au village. Moi, je m'en souviens, à Brazzaville, on nous montrait ça, et même à Libreville. Voyez-vous, toute publicité pour mieux vendre le produit, on utilise toujours la femme. Voilà maintenant Potapita, Potipata, Patipota, quoi là, à Dubaï. C'est toujours les pauvres mamans qu'on expose. Vous vous rendez compte? La femme a un pouvoir inouï. Maintenant, est-ce que sur l'écran, il y a des questions? Je vois les questions qu'on pose ici, là. Qu'est-ce qu'il faut faire automatiquement en cas d'empoisonnement? Bon, là, vous venez avec une question qui n'a rien à voir avec le sujet. Premièrement, je vais faire intervenir le côté médical. Puisque nous avons un ami, un frère en France qui a été victime. Il a été malin. Heureusement, il avait du charbon avec lui. Souvent, il faut avoir du charbon. Bon, maintenant là, j'ai appris la rumeur que mon frère, Mboula, Ndong Mboula, que j'aime bien écouter, un frère là du Gabon, un artiste, qu'il me pardonne parce que j'ai posté un truc là où j'ai écrit une note en disant, mais comment? Les choses du Gabon, là, vraiment, voilà pourquoi je n'ai pas d'amis. Bon, j'espère que le frère, s'il a été empoisonné, qu'il fasse attention, vraiment, des amis. Bon, je ne sais pas. Lui-même, il a parlé hier. Il a dit non. Les docteurs n'ont pas encore dit la vérité si c'est un empoisonnement. Mon frère, s'il y a des parents qui le connaissent, je suis dans le domaine de la santé. Mais quand j'ai observé là, la façon que tu t'appelles au ventre, ceci, cela, ça, c'est un signe d'empoisonnement. Maintenant, pour arrêter l'empoisonnement vite, à l'avenir, tous ceux qui sont victimes d'empoisonnement, sous couvert du vin, sous couvert de la main, voilà pourquoi on vous demande de ne pas serrer les mains aux gens. Vous aussi, vous ne comprenez pas rien. Serrez les mains. Vous avez cherché quoi là-dedans? La nourriture. On vous invite, vous partez manger chez les gens. Il faut éviter ça. Il ne faut pas aller manger chez les gens. Il ne faut pas aller coucher les femmes dehors. Parce que c'est à travers les femmes. Quand on sent que vous êtes un homme puissant, on peut profiter de mettre le fusil nocturne entre les fesses de la copine que vous fréquentez dans le quartier à Québec. Même si vous êtes général, qui s'en fout? Général Mandiango. Bon, le gars, là, nous, on veut se mal louer. Nous, on veut se mal louer. Comme disent mes enfants. Là. Alors, maintenant, vous venez, on vous empoisonne. Donc, maintenant, que faut-il faire automatiquement? Ayez toujours avec vous du charbon, s'il vous plaît. Le charbon, vous savez ce que c'est le charbon, non? Il faut toujours avoir le charbon avec vous, en permanence. Et le deux, il vous faut toujours l'huile de palme rouge, là. Moi, j'ai toujours en permanence, dans mon sac de travail, les collègues me prennent pour un villageois. What the hell, man? Hey, what the hell, you bring some palm oil in the jar? That's none of your business, please. Parce qu'ils ne savent pas la vie. L'huile de palme, même dans un petit bocal de 1 demi-litre, même si c'est quelque chose de petit comme ça, même si c'est petit comme ça, vous mettez votre huile de palme là. Ayez toujours l'huile de palme avec vous. Ayez toujours du charbon avec vous. Il y a d'autres éléments. Que je peux vous donner la liste, elle est longue. Mais les deux là seulement, c'est des antipoisons très, très, très efficaces. D'accord? Ça, c'est la solution médicale. Alors, la solution mystico-spirituelle. Je ne veux pas que YouTube vienne gaspiller ma chose ici. Là. J'en ai déjà parlé. Votre propre urine que vous voyez là, c'est un grand traitement. Ah oui? L'urine est un grand traitement. Bon, les Américains ici, là, ils sont très sensibles. Oh, non, non, non, non, non, non. Hell no. Shit. You're going to eat poison, man. Forget about that. What the hell? What's wrong with you? Et pourtant, ils savent que le mot urotherapy existe. The urotherapy. La thérapie urinaire. Ça, c'est la troisième solution. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous sentez que vous avez été empoisonné. Ça ne va pas. Vous n'avez pas de charbon. Vous n'avez pas l'huile de palme. Ah, écoutez, si vous ne pouvez pas bouger, demandez qu'on vous amène un gobelet. Vous pissez là-dessus. Pissez! Et buvez-moi cette urine. Et vous verrez la suite. D'accord? Maintenant, puisque vous parlez, qu'est-ce qu'il faut faire automatiquement? Bon, vous savez, la magie n'aime pas les histoires automatiques. C'est-à-dire, la spiritualité n'aime pas les histoires automatiques. Bon, maintenant, vous allez faire comme notre frère musulman. Parce que le frère musulman, quand il vient de quelque part, que mes frères musulmans me pardonnent, hein? Moi je suis musulman. Il vient, il ouvre la portière de la voiture. Bismillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah. Ça, c'est un mantra. Ça, c'est un mantra que le frère musulman utilise. C'est un pouvoir de neutralisation. C'est un pouvoir neutralisateur. Le fait qu'il dise Allah Akbar, Allah Akbar, alhamdulillah. Voyez-vous? Voyez-vous? Donc, vous pouvez utiliser un mantra qui vous est familier. Si vous êtes chrétien, il y a plein de mantras. Il y a plein de mantras. Vous prononcez les paroles du fond du cœur. Ça, maintenant, là, il faut avoir la foi. Mais puisque vous parlez de quelque chose d'automatique, si vous êtes un religieux, il faut avoir l'habitude de maîtriser votre relation personnelle avec votre Dieu. C'est tout ce que je peux vous dire. Le Jésus des chrétiens, par exemple, a prononcé beaucoup de belles paroles. Et c'est ce que j'ai enseigné dans la mystique chrétienne qu'on appelle comment prier Dieu en vérité et en esprit. Il y a des mots que vous devez prononcer. Je vous dis ces mots-là. Déplace les montagnes. Il n'y aura pas un poison plus puissant. Même le venin du serpent. Ce n'est pas lui-même le Jésus des chrétiens qui a dit ça, non? Mais moi, je vois encore des chrétiens qui se font empoisonner. Moi, je ne comprends rien. Lui-même, il a dit ça. Que vous allez même avaler les venins des serpents. Après, ils viendront me faire un débat ici, là, oh non, monsieur, ou bien vous prenez tout hors contexte. Qu'est-ce que vous appelez hors contexte? Mais c'est ça, la foi. Selon Hébreux chapitre 11, moi j'ai étudié ça depuis longtemps. La foi, c'est la ferme attente des choses. La ferme résolution des choses que l'on ne voit pas, mais que l'on espère. Mais qu'avec certitude, avec des exemples qui nous sont donnés, que nous sommes confiants que cela va se matérialiser. La ferme attente des choses que l'on ne voit pas, mais que nous sommes sûrs que cela va se matérialiser. Voilà pourquoi le verset 6, l'apôtre Paul, le fondateur du christianisme, a dit que voilà pourquoi celui qui a la foi ne doit pas demander, mais doit dire plutôt que Père, merci de m'avoir donné tout, de m'avoir donné la réponse. Merci pour la belle femme et vous visionnez la femme. Merci pour le travail et vous visionnez votre travail. Ça, c'est Paul qui enseigne ça. Mais les gens, je ne sais pas, c'est d'aller traiter les gens des pieds d'oiseaux, chercher les femmes à la gloire, les belles Mercedes. Pardon, ça, c'est notre chapitre. Donc, je crois avoir répondu à votre question et on avance. Maître, qu'en est-il des écoulements des liquides séminales pendant le sommeil à force d'abstinence? Non, non, non, non. Comment ça a commencé? C'est ce qu'on appelle les couches de nuit. Bon, moi je vous dis, il y a des gens qui ont fait 10 ans, 20 ans. Moi, je n'ai pas entendu parler des histoires des écoulements. Bon, maintenant, ce que vous me dites là, c'est probable. Ça, c'est une réaction scientifique, mais une réaction chimique normale. Parce que quand il y en a de trop, autant laisser ça sortir seul. Et voilà pourquoi, si vous m'avez suivi au début, je vous disais qu'il y a des documents de l'Égypte antique qui nous parlaient d'avoir un bol. C'est l'expression qu'eux utilisent. Bon, le bol en question, ça peut être des couches câlines, ou je ne sais pas trop, ou bien une serviette, ou bien quoi, qui était là à côté quand vous dormiez. Vous pouvez recueillir cela. Immédiatement, vous devez prier et aller laver là où la semence a coulé. Ça, il n'y a aucun mal. Ça, c'est normal. Parce qu'il y a une quantité raisonnable qui doit rester là-bas. Maintenant, le trop-plein, le surplus, c'est ce surplus-là que Tétamouang, le Créateur, par pouvoir délégatoire, fait ce qu'on appelle vidange naturelle. Ça, c'est une vidange naturelle. Je suis passé personnellement par ça, avant que je ne connaisse les femmes, et ensuite quand je m'étais privé pendant un certain nombre d'années, quand j'étais avec les témoins de Jéhovah ou dans d'autres milieux, c'est comme cela, parce que quand vous vous privez, eh bien, il arrivera un moment que il y a cette vidange naturelle, surtout pour l'homme. Ça arrive. Mais là, il n'y a rien de démoniaque. Là, il n'y a rien de masturbatoire. Là, il n'y a rien de haut esprit féminin qui va intervenir. Non, non, non, non. Ça, c'est naturel. Il n'y a pas de superstition dans cela. Donc, pour répondre à votre question, ça, que faut-il faire dans ce sens-là? Mais laissez faire ça tranquillement. Vous n'avez pas besoin de vous masturber. Ça, c'est au contraire un truc naturel. Mais même si vous priez là, même si vous mettez à prier, vous mettez votre genou au Jésus, au bien, au Allah Akbar. Alhamdulillah, bismillah, pardon, viens maintenant, tatignami. Moi, je fais comment? Dieu ne va rien faire. Ça, là, c'est un phénomène naturel. C'est ce qu'on appelle la vidange naturelle. C'est un surplus. Vous voulez qu'on regarde le surplus, là-bas, aller où? Maintenant, lèvez la tête. Bon, il y a même des écrits dans le livre des gens. Moi, j'ai lu la Bible. Dans des écrits, on nous dit quoi? Les pharisiens ont dit quoi à Jésus? Que toi, le type là, tu parles trop comme ça, c'est parce que tu ne connais pas les femmes. Maintenant, le sperme est tombé dans la tête. Pardonnez-moi, c'est ce qu'ils disent. Ils lui ont dit que la semence est montée dans sa tête. C'est pour cela qu'il raconte n'importe quoi. Mais ils étaient tellement énervés. Quand il leur a dit, mais écoutez, avant qu'Abraham ne soit né, moi j'étais déjà là, vous êtes niaquois, vous n'êtes rien, moi. Moi, je suis né avant Abraham, je suis né avant Moïse. Oh là là là là là. Les prêtres ont dit ça. Ils ont dit non, le type, il a la semence qui est montée dans sa tête. Pour cela, il parle comme cela. Voyez-vous? Si on fait mention de cela, ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous vous privez, ça doit se vider naturellement. C'est comme cela. Bon, eux aussi, ça, c'est une insulte. Ça ne peut pas monter dans la tête. Au contraire, ça monte à la tête comment? Mais parce qu'ils étaient dépassés par la connaissance de leur personnage. Moi, je ne crois pas à ces histoires-là. Je suis très neutre. Voilà. Donc, ça monte dans la tête comment? Mais ça montait, c'est parce que quand vous connaissez le phénomène du yoga qu'on appelle le tantra yoga, qui est le yoga de la maîtrise de l'énergie sexuelle, qui est le yoga qui consiste à se priver de ne pas avoir des activités sexuelles. Et il y a même des maîtres qui sont morts jusqu'à l'âge de 150 ans, 160 ans, n'ont jamais eu sexe dans leur vie. Mon maître de karaté, d'arts martiaux, qui vit à Okinawa, et bien d'autres que je connais qui vivent ici, ils n'ont jamais eu d'activité sexuelle, ils n'ont jamais eu d'enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils savent le secret de transformer leur énergie sexuelle. Et d'ailleurs, j'ai posté deux vidéos ici qu'on appelle « Comment transformer votre énergie sexuelle en énergie spirituelle ». Voilà, la vie est un choix. C'est là que personne ne vienne vous juger que non, parce que vous le faites là, non, Dieu a condamné, parce que Dieu a dit qu'il faut faire les enfants. Oui, vous pouvez faire les enfants si vous avez une femme normale, si vous trouvez un homme normal. Mais toi, tu n'as pas le travail. Il y a le chômage, il y a les problèmes là-bas en Afrique. Toi, tu vas chercher les enfants, faire comment? Amener les enfants pour souffrir. Donc, il faut vous priver. L'abstinence. Le phénomène que vous m'expliquez est le résultat de l'abstinence. Quand vous vous abstenez pour un temps, il y aura cette réaction chimique naturelle. Il n'y a rien de diabolique, rien de démonique, rien de masturbatoire ou d'incubatoire, ou je ne sais pas trop, un esprit, un cube ou succube. On avance. Qu'en est-il du conseil médical qui demande de se masturber de temps en temps, à titre préventif? Bon. Oui, j'ai entendu des médecins dire ça, que non, il faut se masturber de temps en temps. Mais attention, les avis sont différents. Maintenant, lui, il vous a dit là, attends, peut-être pas vous, je ne veux pas vous accuser ici, mais quand un médecin vous dit ça, c'est sûr que vous avez un problème. C'est pour cela qu'il vous demande de le faire. Mais sinon, les études récentes ont révélé que il n'y a aucun mal. Vous pouvez rester 20 ans, 30 ans, même jusqu'à votre mort sans activité sexuelle, qu'il y aurait maintenant une maladie, qu'il y aurait ceci, cela. Ça, c'est des histoires. Je sais de quoi je parle. Parce que je viens vous partager également des connaissances dont moi-même j'ai aussi expérimenté. Donc, j'ai observé et moi-même, à un moment donné de ma vie, je suis resté pendant 9 ans. Je n'avais pas d'activité sexuelle. Et pourtant, j'en avais déjà touché. Donc, je sais de quoi je parle là, s'il vous plaît. C'est que les gens viennent, les médecins, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Il y a des médecins qui vont vous dire, oui, la masturbation, c'est bon, ceci, cela. Mais sans pourtant vous expliquer que une masturbation retenue, modérée, une fois en passant, peut-être, mais n'en soyez pas esclave. Bon, là, je peux peut-être dire il a raison. Mais ce n'est pas nécessaire parce que Teta Mwanga, regardez la question que nous venions d'examiner ensemble. La question disait que non, la personne a des couches de nuit. Mais comment expliquer cela? Mais ça veut dire que la personne dégage la semence pendant qu'il dort. Mais ça, c'est le miracle de Mwanga lui-même, de Teta Mwanga, Tata Nzambe. Donc, laissez les médecins s'embrouiller. Parfois, certains sont aussi des dépravés sexuels. Pardonnez-moi. Maître, est-ce que quand on se masturbe, il peut avoir des entités du bas astral pour épuiser ses énergies? Mais c'est ce que j'ai dit au début, vous êtes venu en retard. Mais bien sûr, quand vous déposez, pourquoi la Bible condamne que ça ne doit pas être souillé par terre? Mais parce qu'il sait que c'est les entités démoniaques qui vont s'en nourrir. Ils se nourrissent de ça. Oui, c'est clair. Vous dégagez des énergies. Bon, pardonnez-moi, hein. Ça là, la science conventionnelle n'est pas d'accord. Mais ce sont des déclarations, ils appellent ça déclaration gratuite. Ce n'est pas moi qui suis le premier à l'avoir dit. Les scientifiques du premier siècle, ils l'ont dit. Les documents archaïques trouvés dans la mer morte, écrits par saint Thomas, celui que vous appelez l'apôtre douteux, celui qui a douté l'histoire de Jésus, alors que c'est une autre histoire, Thomas a écrit cela également. D'accord? Sur cette question que vous me posez là. Donc, oui, il explique effectivement que ce qui sort de nous, c'est ce qui est dangereux. Et même le Jésus des chrétiens ne le dit pas quelque part. Le Jésus des chrétiens, ses apôtres viennent lui rapporter qu'oh, on a trouvé les disciples des gens, ils se mettent à laver les oreilles, ils lavent la bouche, ils lavent le nez, ils lavent la tête comme font nos musulmans. Mais ça, c'est quoi ce bordel-là? Le Jésus des chrétiens dit, oh, mais votre problème est où? Est-ce qu'on vous a dit que c'est ce qui rentre dans le corps de quelqu'un qui tue quelqu'un? Mais c'est ce qui sort de vous. Est-ce qu'il a menti? Les paroles qu'on dit, là quand je vous parle, est-ce que vous ne sentez pas que c'est des paroles qui vous guérissent? Est-ce que vous ne sentez pas que c'est des paroles qui vous motivent? Est-ce que vous ne sentez pas que c'est des paroles qui vous font ce qu'on appelle une prise de conscience? C'est ça, c'est ce qui sort, qui est capable de donner la vie. C'est ce qui sort, qui est capable de tuer. Si je viens faire des messages incendiaires, tu vas te tuer, moi je vais te taper, c'est ça. Même YouTube va me couper mon contrat, il va même me dire non, on ne te paye plus. Voyez-vous? Mais c'est la même chose que cette semence séminale qui sort, le liquide séminal. Ce liquide séminal qui sort, mais forcément, eh bien, ça entretient certaines entités. Ah oui, parce que c'est une énergie. Le liquide, vous le voyez, c'est liquide, mais en dehors du liquide, c'est l'énergie que vous sortez. Voilà. Donc ces gens-là ont dit ceci, qu'à chaque fois que vous dégagez, quand ça sort là, vous dépensez 0,005% de votre vie. Oh, mais voilà pourquoi la femme, elle vit toujours plus longtemps que nous. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. La femme, c'est un réservoir permanent. Voyez-vous? Mais nous, les hommes, on meurt trop vite comme les crapauds, comme le cas du lapin. Donc, retenez cela. Vous n'êtes pas épuisé ça n'importe comment. Non, non, non, non, non. La vie est liée à cela. La vie de l'homme est dans ça. Voilà pourquoi je recommande à certains hommes de ne même pas déposer. Faites tout pour satisfaire maman, une fois elle est contente, vous, machin, terminé. Mais toi, c'est comme, tu n'as pas donné, non, mais toi, tu es donc, oui, oui, je savais, je suis bien, mais ce n'est pas normal, je ne suis pas contente. Non, laisse, ça, ce n'est pas ton problème. Ça, c'est ce qu'on nous apprend dans le Kama Sutra Yoga, Tantra Yoga, dans le yoga tantrique. Et dans la spiritualité tibétaine, on nous le dit. Voilà pourquoi vous verrez que dans la technique de yoga du Tibet que je pratique, et dans le Pranayama Yoga, Kundalini Yoga, on nous dit que il faut de temps en temps tuer son désir. Tuer son désir sexuel, c'est-à-dire que vous coupez tout. Oui, oui, oui, il se coupe, il ne fonctionne même plus. Maman peut toucher, peut choter, rien, les morts. Et ça, il n'y a que nous, les initiés, qui connaissons ce secret. Vous pouvez laisser comme ça, vous coupez. C'est ce qu'on appelle tuer les désirs. Pourquoi? Parce que ce monde, il y a tellement de distractions. Vous allez maintenant passer, oh, comme je ne trouve pas une nana là, moi je vais masturber, atteindre ça, je vais masturber. Donc, tout ça, c'est autant de moyens qui vont vous distraire pour atteindre la sommité, pour atteindre l'immortalité. N'allons même pas à l'immortalité, mais pour au moins créer ce qu'on appelle la séparation corps-objet. Vous séparez de cette terrestrité humaine qui ne sont que des distractions humaines. Est-ce que vous voyez? Alors, s'il vous plaît, n'allez pas dire que maintenant, oh, ya, yo, monsieur Mouré, on nous a dit que maintenant c'est fini, on ne doit plus toucher les femmes. Non, je n'ai pas dit ça. Oh. Mais moi, dans ma croyance, dans ma manière de parler religieusement, mystiquement et spirituellement, l'affaire là, sauf si vous êtes marié, et même quand vous êtes marié, vous devez être dans un environnement où la femme doit comprendre que ça, c'est le temps où le type là veut communier. Ça, c'est le temps où, pardon, je vais le laisser libre, il doit aller dans sa chambre là-bas faire ses choses. Il faut déjà ces prédispositions. La même chose pour vous, l'homme. Oh, ma femme, elle est dans ces histoires de ma banji. Pardon, je dois respecter. Et c'est toi que ces histoires entre femmes là-bas. Il n'y aura pas, oh, yo, prendre maintenant le téléphone toutes les secondes. Mais merde. Mais Angélique. Oh, Angélique, là, depuis qu'elle est partie. Bien, c'est comment? Oh, non, non, non, ça, c'est des histoires. Quoi, elle est à tel niveau, non, pardon. Il est 2h du matin. Les histoires des femmes, histoires. Quelle histoire des femmes? Vous allez vous agiter et c'est tout ça qui va vous faire du mal. Voilà pourquoi, dans cette affaire-là, la décision vous appartient. On avance. Quelle est la signification de rêver faire l'amour avec une femme? Oh, mais vous aussi, vous êtes comment? Mais vous faites l'amour avec la femme. N'importe qui rêve. Moi, il y a des moments, je rêve que je fais l'amour avec une femme. Maintenant, où est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça peut être une manière pour vous de décharger, mais ça revient autour de la question, parce que l'autre n'est pas rentré dans les détails. L'autre vous a dit quoi? Mais que ça rentre dans le cas des couches durant la nuit, les couches de nuit. C'est-à-dire, les couches de nuit, vous dégagez le machin. Ça sort, le liquide. Mais ça sort comment? Mais forcément, vous êtes obligé de faire un rêve. Que vous faites l'amour avec une femme. Tout comme, ou bien vous faites l'amour avec un homme. Bon, ça peut arriver aussi que l'homme fasse l'amour avec un autre homme dans le rêve. Bon, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Bingo. Bon, il y a ceux qui rêvent comme ça. Il peut arriver aussi que vous rêviez, vous, femme, faire l'amour avec une autre femme. L'essentiel est de pouvoir dégager cette chose, cette énergie-là, l'énergie recyclable. Après s'être retenu pendant plusieurs mois, on a une montée de kunda, elle reste bloquée au chakra jaune. Oh, non, vous me parlez des mois, mais nous autres qui avons fait des années, on vous a dit que Kundalini monte seulement les mois. Il y a même des gens dont Kundalini ne pourra monter qu'après peut-être 2 ou 3 incarnations. Hein? Vous pouvez commencer à faire la science de Kundalini-là. Ça ne peut pas monter toute votre vie jusqu'à l'âge de 150 ans. Mais ça dépend des incarnations. Il y a des incarnations où vous êtes prêt, vous avez commencé le processus pendant un temps. Bon, maintenant, si Kundalini n'arrive pas à monter, mais c'est que vous, je ne sais pas, qui vous a initié? Quand vous connaissez bien le Kundalini Yoga, logiquement, je l'ai expliqué plusieurs fois, il y a des techniques respiratoires, il y a des techniques de méditation, il y a des dates, qu'on appelle ça, des heures, et tout, il y a des ascèses initiatiques qu'il faut observer. Donc, au fur et à mesure que, machin, il y a des signes. Vous sentez la chaleur à un niveau. Mais pourquoi cette chaleur-là? Pourquoi il y a cette chaleur? Oh, attention, donc le serpent-là va maintenant passer au deuxième chakra. Ou bien passe maintenant au troisième chakra. Bon, maintenant, les blancs, ils sont venus vous embrouiller. Oh, chakra jaune, chakra rouge. Moi, avec les Chinois, quand ils m'ont appris ça, ou bien avec mes amis tibétains, ils m'ont tout simplifié. Ils m'ont seulement donné des noms compliqués hindous. Mais ils m'ont dit, voilà, premier chakra, c'est là, au niveau de votre appareil génital. Au niveau de votre appareil génital, c'est là. Deuxième, c'est en dessous. Troisième, c'est au niveau de machin à côté du nombril. Quatrième, c'est à côté du plexus, au niveau du plexus. Cinquième, au niveau du cœur. Sixième, à la gorge. Plutôt au niveau de Le sixième, c'est au niveau de votre troisième œil là, hein, au niveau de l'épiphyse où se trouve là, le centre de votre âme. Et septième, c'est au niveau de la glande pinéale. C'est ça comme cela, nous, on nous a appris. Donc, au fur et à mesure, il y a des manifestations qui vous connectent également avec des mondes parallèles, avec des réactions. Vous entendez les entités, vous entendez des gens qui font le bruit. Ça, c'est à partir du deuxième chakra, bien sûr. Le premier chakra, c'est des fortes érections, très fortes, qui peuvent durer même jusqu'à 1 an, 2 ans. Mais ne déchargez pas, ne touchez pas, ne faites rien. Moi, c'est parce que j'ai eu un guide qui m'a expliqué tout ça. Vous êtes nouveau? J'ai expliqué même que ça va vous rendre impuissant, si vous osez. Ah oui, oui, oui. Parce que ça, c'est Kunani, c'est le serpent qui se réveille. Mais maintenant, les Chinois appellent ça le dragon qui s'agite. Mais pendant que le dragon s'agite, vous osez encore, vous, aller brûler ce dragon? Si vous avez la chance, mais jamais Kundalini va se réveiller. Voilà pourquoi ça prend des années, ça peut durer. Je veux dire, ça prend même 2-3 incarnations. Si vous avez la chance de vivre durant cette incarnation pendant 100 ans, ben, Kundalini ne va plus monter. Donc, il vous faut donc un guide. Il vous faut savoir la véritable montée de Kundalini. Comment ça se passe? Je vous ai dit, ça passe par 3 choses. La respiration, la méditation et les ascèses initiatiques. Comment guider la montée du serpent? Comment ce feu monte? Ce feu, parce que c'est un feu dévorant. Et si vous ne savez pas maîtriser ce feu dévorant, vous pouvez devenir fou, ou bien vous allez marcher tout nu dans les rues, ou bien vous tombez impuissant, ou bien vous serez malchanceux pour le reste de votre vie. Vous voyez? Ces histoires de Kundalini-là, pardon, je l'ai toujours déconseillé. N'allez pas lire les livres pour apprendre Kundalini. Non, non, non, non, non, non, non. Autant commencer par le simple yoga qu'on appelle Hatha Yoga. Et si vous avez la grâce, vous montez des Hatha Yoga, apprendre à Yama Yoga. C'est tout. Parce qu'au moins, là, on vous explique. Même leur français, là, est trop compliqué. Je m'en souviens, un grand maître, là, dans les années 79, mais mon Dieu, quand je lisais le livre, j'avais chaque fois les mots de tête. Il vous faut un guide, un maître véritable de la science. Bon, comment allez-vous? Je vais bien. Merci, Rabbi. Ok, merci. Prêtre, on dit quoi? Quels sont les moyens techniques ou les techniques pour récupérer son énergie pour ceux qui sont dans l'excès de masturbation? Excès de masturbation. Alors, quand vous êtes dans l'excès de masturbation, vous allez récupérer quelle énergie? Vous avez tout brûlé. Je me sens très mal à l'aise par rapport à la personne qui a posé cette question. Si vous souffrez de l'excès de masturbation, ça veut dire que vous avez un problème. Il faut aller voir un médecin, s'il vous plaît. Parce qu'à un moment donné, ça arrivera que vous allez finalement dégager du sang. Ce n'est pas moi qui l'invente. J'en ai vu. J'ai vu moi-même. Dans les prisons là où on travaille là. Les malades là, tous les jours, oh yo, tous les jours, oh, donnez-moi la vacheline, oh, vacheline, vacheline. Donc, vacheline, c'est pour aller se battre là-bas. Et on a trouvé, le gars a commencé à crier seul là-bas. Je saigne, je saigne. Il n'a plus caché son vice. Et on a vu que le vice qu'il avait, parce qu'il faisait de la masturbation excessive. Une masturbation raisonnable, je n'encourage pas cela. Au moins une fois dans le mois, ça passe. Bien que je n'encourage pas cela, hein. Parce que vous savez déjà la connexion que la masturbation crée avec d'autres entités, avec d'autres forces, et ainsi de suite. Les énergies que vous perdez, 0,05% de votre vie. Si vous devez mourir à l'âge de 150 ans, vous descendez. Si vous le faites tous les jours, des fois, vous allez mourir peut-être à 61 ans ou même 52 ans. En train de tranquillement manger votre banane à côté de la gare routière de Yopougon en Côte d'Ivoire. Alors, s'il vous plaît. Excès de masturbation, ça veut dire que vous êtes addicté. Ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle une addiction. Et quand il y a l'addiction, c'est mieux de voir un spécialiste. Ne venez pas me voir, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas urologue, je ne suis pas ceci, cela. Je vous ai seulement dit, je suis quelqu'un d'un érudit. Je me cultive, je me développe. J'ai accès à des milliers d'encyclopédies et des livres. J'ai dépensé beaucoup d'argent sur ça. Mais toujours est-il que je demande toujours les questions aux jeunes médecins d'aujourd'hui, là même qui s'embrouillent parfois. Bien, je crois qu'on a fini. Bonsoir, grand maître, comment? Oui, ça va. Bon, voilà. Donc, les techniques pour récupérer, vous ne pouvez pas récupérer les énergies que vous avez déjà jetées. Vous avez récupéré comment? Le 0,05% de la vie que vous avez déjà jetée là, vous pensez que Dieu va vous redonner encore comment? Vous avez rejeté, il faut seulement avouer, maintenant, à partir d'aujourd'hui, que, oh, d'accord, ce que je faisais là, donc c'est mauvais, je dois arrêter. La seule méthode, vous n'allez rien récupérer. Vous allez seulement arrêter la perte. Attention, on ne jongle pas avec les principes mystiques, les principes spirituels. L'énergie, vous l'avez vous-même avoué. Vous l'avez perdue parce que vous aviez fait ce qu'on appelle la masturbation excessive. Vous étiez addicté. Ou bien sous forme de possession démoniaque, diraient les religieux. Mais moi, je ne vois pas la possession démoniaque. C'est tout simplement une addiction. Donc, cette addiction vous a amené au point où vous avez tellement perdu, vous posez la question, comment récupérer? Il n'y a rien à récupérer. Il faut simplement arrêter. Vous avez perdu un bon quart d'une partie de votre vie. Là. Alors, tout cela, même si ça tombe sur le drap, ou ça tombe, comme la Bible dit, par terre, ou je ne sais pas où, sur la table, ou je ne sais pas où, ça, c'est vos forces que vous perdez et vous êtes en train de nourrir les miens du bas astral. Vous nourrissez les miens du bas astral. Vous perdez vous-même des énergies en vous, même si vous êtes encore jeune. Vous n'avez pas encore 30 ans. Ce n'est pas grave. Vous perdez. Donc, récupérer énergie. Non, il n'y a rien à récupérer. La seule chose, il faut arrêter pour que la destruction ou bien la fuite d'énergie ne continue plus. Arrêtez. Parce que dans la spiritualité, on ne peut plus récupérer ce qu'on a perdu. Vous avez récupéré ça. C'est parti. Ce n'est pas comme dans l'état matériel humain. Mais merde, cette nana-là, je l'aimais beaucoup. Oh, Atiza, mon Dieu. Eh, Angélique. Vraiment les choses de mon corps. Angélique, c'est quoi encore, Hugues? C'est comment, toi aussi? Hugues, t'aimes tout. Non, pardon. Je suis avec mon général Mandjango. Même s'il est fou, il s'occupe de moi. Ah, vraiment? Oui, le général, oui. On va bien voir. Toi aussi, tu es toujours ton général. Ah, le général a aussi des connes. Tellement il boit le moussungu, rien ne marche. Bon, maman, ça va, on se retrouve. Là, il y a déjà une entrée où vous pouvez récupérer Angèle. Vous pouvez la récupérer. Parce qu'il y a déjà des faiblesses dans le couple. Mandjango, malgré le titre de gros général, il est là-bas calgoigné. Donc, vous, Hugues, vous profitez et vous pouvez récupérer cette dame-là. Ce n'est pas la même chose avec la spiritualité. Les énergies sont parties. Elles sont détruites. Vous avez brûlé. Sauf si vous étiez un grand initié des grands mystères, il y a certaines énergies qu'on perd, mais on sait où ça part, mais il y a la possibilité de reprendre et les amener. Mais ça, c'est un autre niveau. Ce n'est pas notre niveau ici, là, s'il vous plaît. Je crois que j'en ai terminé, que Teta Mwanga vous bénisse, parce que je vais prévoir un autre enseignement là, sur les histoires des fiançailles. Je vois que le temps court, je ne veux pas m'épuiser, c'est mon jour de repos. Donc, merci beaucoup pour vos questions. Pardonnez-moi, je n'ai averti personne, veuillez me pardonner. Mais je ne m'y attendais pas que vous seriez là aussi. J'ai voulu simplement parler tout seul, mais merci, vous m'avez permis de dialoguer avec vous. Et de ce dialogue est sortie une bonne conversation. Nous avons tous appris le bas, le danger de toutes ces choses-là. Nous devons faire très, très, très attention qu'ici, il est question des énergies. Il faut retenir cela. Ici, il est question des énergies. OK? Ne voyez pas seulement l'action simple que voilà, vous êtes en train de jouer avec votre appareil. Non, non, non, non, non. Il est question des énergies. Il est question de votre esprit. Que cela soit clair. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour conclure sur ce live. D'ici là, portez-vous bien. Que Teta Mwanga vous protège. Et j'espère nous retrouver prochainement. Nous allons retrouver un autre enseignement qui va être prêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oh, yeah. Qu'il y a des questions qui défilent sur l'écran, s'il vous plaît, allez-y dans les forums. Je suis éveillé d'aujourd'hui là, jusqu'à samedi. D'accord? Je répète, d'aujourd'hui, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. J'ai 4 jours où je réponds à vos questions. Ne posez pas les questions sous les vidéos. Je répète la même chose, mais les gens ne comprennent pas. Ne posez pas des questions sous les vidéos. Posez-moi les questions dans les forums. Maintenant, pour aller poser les questions dans les forums, il faudrait vous abonner. C'est aussi simple. Et pour vous abonner, n'utilisez pas un ordinateur. N'allez pas dans une librairie, utilisez l'ordinateur, ça ne marchera pas. Utilisez le téléphone, d'accord? Vous utilisez votre téléphone Android de préférence. Et les téléphones Android, vous savez ce que c'est. Moi, j'ai le BlackBerry, j'ai Samsung, j'ai également, on appelle ça, le téléphone là, qui porte le nom de Apple, des trucs comme ça, iPhone. Donc, mais de tous, j'ai confiance beaucoup plus à Samsung Galaxy et le BlackBerry. Parce que c'est ça là, Android. Et même la LG. Voilà, j'ai aussi une LG. Donc LG, si vous avez un téléphone LG, Samsung Galaxy, le Note, par exemple ça c'est une Note. Si vous avez BlackBerry, ça existe toujours chez nous aux États-Unis. Et je ne sais pas si iPhone c'est également Android. Moi je ne sais pas. Il paraît que ce n'est pas. Mais bref, en dehors de iPhone, tout autre téléphone, vous prenez, vous tapez sur ma vidéo et à droite de votre vidéo, eh bien, vous verrez les liens. Ce sont ces liens-là qu'il faut suivre et puis vous vous abonnez. Bon, j'apprécie, il y a des gens qui m'appellent directement, mais mon Dieu, vous dépensez de l'argent, je comprends. Vous êtes vraiment dans des besoins. Beaucoup de gens, surtout depuis hier, des gens qui tentent m'appeler direct, ça coûte tellement de l'argent, j'apprécie, mais s'il vous plaît. Puisque vous êtes abonné sur ma chaîne YouTube, ben de là, rentrez dans les forums. On va vous donner mon numéro privé. Vous pouvez m'avoir sur WhatsApp, vous pouvez m'avoir sur Signal, vous pouvez m'avoir également sur Telegram. Je suis dans Signal, Telegram. Il y a même 2 autres là, on m'a mis dedans. Mes enfants là s'occupent de tout cela. Vous pouvez m'avoir, d'accord? Ne m'appelez pas directement ou bien ne posez pas de questions sur la vidéo. Parce que moi, je ne veux pas venir donner encore répondre sur la vidéo. Je fais des efforts. Parfois, je réponds pour ceux qui ne sont nouveaux. Mais souvent, je préfère répondre à l'effort. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Merci encore. Et à tout à l'heure, il y aura une vidéo qui va être disponible. Elle est déjà téléchargée. Je vais simplement la balancer. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur les histoires des fiançailles. Là. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Soyez bénis. Merci. Vous bénisse. Merci encore. Merci. Merci. Merci.